K-U-H-N, veut dire follement brave ou stupidement intelligent. OK. C'est comme un oxymoron, des fois qu'on dit. Oui. C'est deux choses qui se contredisent l'une et l'autre. Friendstalker était un des noms proposés pour Twitter à l'origine. Ça aurait pu s'appeler Friendstalker, donc espionner ses amis, si on veut. Ouais. Ouais, pour trouver des informations par rapport à eux. T'imagines comment ça aurait été dur à dire? Tu sais, là, tu te dis, ah, je vais te tweeter ça. Ah, je vais te Friendstalker ça. Friendstalker, on dirait une dingue. Il nous en reste deux derniers. Le crayon, un crayon plomb moyen, peut dessiner une ligne qui dure 35 000 de long. 35 000. On va traduire ça en kilomètres, comme on aime le faire. 15? 56. Colin. Je pensais que c'était x2. Minimum non. x2. On passe 2.2. C'est les degrés en Fahrenheit, hein? Je pense que c'est 2.2. Peut-être ça. Et finalement, aux Philippines, Gigil. G-I-G-I-L. Gigil. C'est l'envie surpassante, si on veut, que tu dois vraiment absolument faire, hein, de pincer quelque chose de très mignon, comme les joues de Jean-Philippe. De loin. Je vais te giguiler ça. Giguiler ça. C'est cute, hein? Ouais. Voilà. Donc, c'est aux Philippines. Gigil. Voilà pour cet fait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Cette fois-ci, c'est une nouvelle qui a rapport à la justice et pas n'importe laquelle. La justice américaine. Eh bien, oui. On y va avec ça. On le sait, aux États-Unis, il est coutume d'intenter des procès pour à peu près n'importe quoi et envers n'importe qui. Ne dérogeant pas à cette règle, cette jeune étudiante de 17 ans, répondant au nom de Rachel Canning, a quitté elle-même la maison familiale avant de poursuivre en justice ses propres parents. Hein. S'estimant abandonnée, mais c'est pas elle qui a quitté la maison. En tout cas, on va aller voir. Celle qui vit actuellement chez sa meilleure amie a ainsi décidé d'utiliser la manière forte pour parvenir à ses fins. C'est d'ailleurs le père de cette dernière qui l'a poussé à traîner ses parents devant les tribunaux. OK, le père de son amie. Elle leur demande de payer ses frais de scolarité, extrascolaire et même judiciaire qui s'élèveraient à eux seuls à 12 597 $, soit près de... Oui, OK. Selon elle, ses parents l'auraient forcé à partir, lui demandant de choisir entre eux et son petit copain. Une version que les principaux intéressés refutent et même regrettent. Nous avons le cœur brisé. Mais que pouvons-nous faire quand votre enfant vous dit qu'elle ne veut plus obéir aux règles, qu'elle veut juste profiter du bon temps, que nous allons payer pour ça? Notre fille nous manque, ça nous tue, c'est horrible, confient-ils les parents au Daily Record. Ils racontent qu'elle a toujours été une enfant difficile, qu'elle a souvent refusé le couvre-feu qu'il lui imposait et qu'elle ne participait jamais aux tâches ménagères. Elle a même été suspendue de son école par deux fois et a été arrêtée pour avoir consommé de l'alcool sous l'âge légal. De son côté, la jeune fille en veut toujours à ses parents et espère obtenir un gain de cause. Elle dit « Mes parents justifient leur action en m'accusant de ne pas respecter les règles. Ils ont arrêté de payer mes frais scolaires pour me punir, moi et l'école, et ont bloqué mon fonds d'études, indiquant leur refus de m'offrir une éducation comme punition », a-t-elle simplement déclaré. Quoi qu'il en soit, Rachel a été jugée comme une enfant trop gâtée à la suite d'une enquête et la plainte a depuis été annulée. Mais la jeune femme ne compte pas s'arrêter là. Aïe, aïe, aïe, aïe, pauvre petite vie, hein? Sérieux. Une chauve-souris géante que vous avez peut-être aperçue sur Internet en fin de semaine, eh bien non, ce n'est pas un fake. Cette photo a été mise à jour ces temps-ci, hein, ben oui. Le web et les habitués du site Reddit ont pu y découvrir le cliché d'un homme tenant à bout de bras un animal assez étrange, ressemblant à une chauve-souris mutante. Une étrange photo dont certains ont même douté un certain temps de son authenticité. Capturée en Australie, selon les dires de l'utilisateur TreeMonkey18, cette chauve-souris se battait avec des chiens lorsque celle-ci a été maîtrisée par ce dernier. Postée par la suite sur Internet, la photo de cet animal au corps de renard et aux ailes de chauve-souris n'a pas mis longtemps à s'attirer toutes sortes de commentaires, notamment de la part de ceux qui ont cru au début y déceler un fake. soupçonnant qu'il s'agissait d'une photo retouchée ou bien encore d'une illusion d'optique qui aurait pu jouer avec les effets d'échelle et de perspective. Nombreux ont été les internautes à crier au fake, à la supercherie. Mais en réalité, cette chauve-souris est bel et bien normale et sa taille est tout ce qu'il y a de plus de réel, comme le souligne Corentin Chauvel, ancien journaliste du 20 Minutes installé au Brésil. Il dit « J'en ai vu de mes yeux dans le Queensland à RVB. Énorme, en effet. » Baptisé justement Flying Fox ou renard volant en raison de sa fourrure de couleur orangée, cette méga bat, peu commune, vit le plus souvent dans des zones tropicales ou subtropicales comme l'Australie ou l'Océanie ou encore des îles situées à l'est de l'Afrique. Elle n'a pas en effet l'occasion de pouvoir être observée tous les jours. Possédant une envergure de 1,50 m, donc 1,50 m, et pouvant parfois peser jusqu'à 1,6 kg, cette chauve-souris aux proportions démesurées n'est pas un danger immédiat pour l'homme, bien que celle-ci puisse toutefois transmettre la rage. Menacée d'extinction à cause du braconnage et de la destruction de son habitat naturel, cette catégorie de chauve-souris appartient au genre Pleuropus et se nourrit essentiellement de fruits et d'insectes et se trouve capable de parcourir jusqu'à 40 km afin de trouver sa nourriture. Donc, presque une chauve-souris frugivore, finalement. C'est un peu cela qu'on apprend. Donc, hein, autant il faut se méfier sur Internet, autant des fois, il faut quand même croire les choses parce que la vie est incroyable. Et parlant de choses incroyables ici, cette ridicule niaiserie, là, tu veux encore le titre? Pour prouver les risques des retouches sur Photoshop, les spécialistes du logiciel ont réalisé une modification aussi impressionnante que choquante. Vous n'allez pas le croire. Il n'y a rien qui m'a choqué là-dedans. Moi, ça m'a fait rire, éclater de rire. Donc, logiciel indispensable dans le milieu de la mode et dans les agences de communication, entre autres Photoshop, édité par la société Adobe, depuis de nombreuses années, ne manque jamais d'être critiqué par de nombreuses personnes. C'est quoi l'idée de critiquer Photoshop? Photoshop ne retouche aucune photo. C'est les utilisateurs en arrière. Photoshop ne fait rien par lui-même. Hein. Photoshop, là, c'est un outil qui fait rien. S'il n'y a pas quelqu'un qui le manipule avec une souris en arrière, ça fait rien. Pourquoi critiquer le logiciel Photoshop? C'est ridicule. Critiquer plutôt votre façon de penser, critiquer les valeurs de la société, ça, c'est correct. Mais le logiciel, il est là juste pour répondre à nos besoins. Donc, si cet outil permettait de faire à peu près tout à partir d'une image qui est la référence ultime dans le genre chez les professionnels, il est également responsable de certaines dérives de notre société. C'est pas Photoshop qui est responsable de ces dérives-là. C'est ridicule. La façon dont on a construit l'article est vraiment ridicule. Photoshop est de plus en plus montré du doigt. La raison pas forcément évidente de prime abord est toute simple en feuilletant les pages des magazines de mode ou en découvrant des publicités dans les journaux. Souvent parfaites, ces photos mettent en scène des mannequins ou des actrices. Elles aussi à la plastique, sans reproche, a priori la perfection la plus totale. Seul hic, la retouche via Photoshop est devenue aujourd'hui systématique et modifie considérablement le modèle au point de dénaturer complètement la photo originale, la personne et donc les standards de beauté de la société. OK. Ça, c'est de la faute à Photoshop. Ben oui, c'est sûr. Les standards de beauté de la société, c'est de la faute à Photoshop. Pour dénoncer ce fait et faire comprendre l'ampleur des retouches réalisées sur le célèbre logiciel, le site américain Google Humor a proposé une vidéo impressionnante de la puissance de Photoshop. On y voit à première vue la photo d'un mannequin plutôt joli en maillot de bain sans se douter un seul instant de ce qui se cache derrière. Peu à peu, la vidéo explique que cette photo n'est qu'un montage et montre à l'envers petit à petit les très nombreuses retouches réalisées. Au bout d'une minute, le masque tombe et le choc est aussi grand que la différence entre l'image de départ et celle de l'arrivée. On comprend en effet que le mannequin n'en est pas un et n'est d'ailleurs même pas humain puisqu'il s'agissait à l'origine d'une simple pointe de pizza. À force de nombreuses retouches, cette pizza au pepperoni a été transformée en un mannequin plus vrai que nature, un changement impressionnant qui laisse songeur sur un bon nombre de publicités. Là, je mets un stop sur cette nouvelle-là, c'est complètement ridicule. La fille qu'il y a là, sur l'image, là, est pas faite à partir d'une pizza. C'est ridicule. Les gens qui ont écrit ça sont vraiment incultes. C'est juste qu'on a patenté ça pour que ça ait l'air de ça, mais on a pris une pointe de pizza, on a pris une fille, et puis on a manipulé l'entre-deux. On n'a pas pris une fille, puis on a fait une pointe de pizza. On n'a pas pris une pointe de pizza, puis fait une fille avec. Soyez un peu plus intelligents, messieurs, mesdames. Et puis même, là, ici, on peut parler. Soyez plus intelligents, messieurs, mesdames, les journalistes. Hein? Là, je parle de Maxime Lambert, journaliste pour Genside. Écoute, On n'a pas fait une pizza avec une fille et ni une fille avec une pizza. Faut être un petit peu plus intelligent que ça. C'est ridicule, mais vraiment... C'est pour ça que j'en ai ri. Puis les gens qui vont imaginer que ça peut être une pizza qui a été transformée par quelques retouches, c'est ridicule juste de le voir. Si on connaît le logiciel Photoshop, là, eh bien, vous allez voir tout ce que je vous dis là. Faut vraiment, mais vraiment pas être très, très intelligent pour croire que la photo était une pizza puis qu'il est devenu une fille ou la fille qui a été retouchée jusqu'à une pizza. C'est n'importe quoi. Complètement n'importe quoi. Cette nouvelle... Aïe aïe. Ici, si vous voulez du n'importe quoi, c'est la prochaine nouvelle. Vous allez voir juste avec le titre. Deux jumelles partagent le même homme, ainsi qu'une passion exagérée, ça c'est moi qui l'ai ajouté, pour la chirurgie esthétique. Ben oui, elles aiment avoir des lèvres de 3 pouces d'épais, comme en caoutchouc, avec des faces fausses, comme si c'était un ballon de caoutchouc aussi. C'est magnifique, c'est très très beau. C'est ridicule. Si on sait inévitablement que les jumeaux ont tendance à se ressembler tant physiquement qu'au niveau du caractère, eh bien ces deux jumelles australiennes ont décidé de pousser l'expérience beaucoup plus loin, peut-être un petit peu trop loin, hein? Sans doute un peu même trop loin. Déjà proches d'être identiques, ces demoiselles, moi je vous dirais ces genres de patentes en caoutchouc plastique de 28 ans, ont ainsi tout fait pour devenir qu'une seule et même personne. Un but peu commun et pas forcément très très sain, hein, pour l'humanité. Quand t'es deux, mais tu veux être une personne. En tout cas, c'est tout d'abord avéré coûteux financièrement, puisque les deux femmes se sont d'abord fait connaître en dépensant pas moins de 150 000 € pour se ressembler, s'offrant des nouvelles lèvres qui sont dégueulasses, des implants mammaires qui sont beaucoup trop volumineux, des fossiles beaucoup trop longs, et même du mascara permanent qui est mal fait. Hein, c'est des clowns, finalement, exactement. Ces deux clowns ne partagent pas uniquement leur physique, mais aussi et surtout leur vie. Vivant toujours chez leur mère à Perth, Anna et Lucy ont confié ne jamais se séparer. Elles n'ont jamais été séparées. Tu regardes la vidéo, jamais, jamais, jamais, ils ont été séparés. Donc, elles travaillent toutes les deux dans le même magasin et partagent également le seul et même compte Facebook. Des détails qui ne s'arrêtent pas là et prennent une autre ampleur lorsqu'ils expliquent partager également le même compagnon qui ne s'est pas du tout opposé à cet étrange triangle amoureux. Ben non, lui, il se fait gâter par les deux. Il voit double, mais quelque chose de laid, solide. En tout cas, choquante et même illégale dans certains pays, la relation qu'entretiennent les deux sœurs avec leur homme, qui se prénomme Ben Byrne, électromécanicien, est en effet des plus singulières, comme l'ont expliqué au Perth Now, qui est un journal local. On sort avec un homme actuellement et nous partageons, avoue-t-elle, et ce n'est pas vraiment bizarre pour nous, pour les hommes, dans leur cœur et leur rêve, ils veulent deux petites copines. Nous avons les mêmes goûts, donc cela semble évident que nous allions aussi partager le même garçon. Mais qui dit partager le même homme dit aussi partager les moments intimes d'un couple et un fait incestueux qu'elle ne cache pas. Donc, nous sommes ensemble quand nous faisons l'amour. Et si nous aimons le même homme, alors que ce soit ainsi, c'est toujours à deux ou rien, déclare-t-elle. Les plus taquins, au-delà de constater cette relation particulière, noteront tout de même qu'elle ferait peut-être mieux de ne plus partager le même chirurgien. Non, parce que c'est dégueulasse. Elles sont vraiment des monstres. J'ai de le dire, c'est ce que je pense. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. On reçoit Jean-Samuel Gay comme à chaque semaine, tous les mardis, mais là, il était pas là la semaine passée parce qu'il était en voyage road trip en Floride. N'est-ce pas? Rien de moins. Ça a bien été, ton voyage? Charme, 29 heures de route, le pied dans le fond jusqu'en Floride. Puis ce qui est le fun pour y aller, c'est qu'on se dirige vers le sud, donc on gardait les degrés monter. Tu sais, on est passé de moins 13, puis ça montait. On a monté ça jusqu'à 20 degrés. Yay! Ben en masse. Wow. Ben le fun. Et t'es allé faire quoi? En Floride, j'étais juste un voyage. Reposer le cul. Oh, mais juste le cul. Le reste bougeait tout le temps. Oui, exactement. Bien posé. Les foufounes bien écrasées. Les bras pis les jambes. Je suis pas un gars de plage tant que ça, mais j'avais un essai routier là-bas. J'avais un essai du Toyota Highlander 2014, meilleur véhicule de sa catégorie. C'était déjà pas mal confirmé avant l'essai. J'avais déjà essayé l'ancienne génération. Puis depuis cette année, il y a des légères modifications qui ont été faites sur la calandre. On a toujours le même moteur qui est hyper fiable, des bons prix. En passant, c'est 8 000$ de moins qu'un Grand Cherokee. OK, quand même. Donc à 32 000$, c'est un prix très intéressant. Disponible en version 7 ou 8 passagers. Oh! Beaucoup d'espace intérieur. C'est que des bonnes qualités. Puis en plus, il y a plein d'espace. Mettre ses portefeuilles, cartes, téléphone, fils. On a moyen de vider ses poches sans qu'on se perde dans la voiture. Tu sais, il y a certaines voitures où ce que si tu laisses ton portefeuille à quelque part, c'est sûr qu'ils vont voler à un moment donné et c'est fini. Il y a une belle petite tablette qui permet d'accueillir tous ces petits accessoires-là. Fait que c'est super pratique. Aussi, des commandes de climatisation à l'arrière. C'est sûr qu'il faut peut-être augmenter un petit peu le prix à ce moment-là pour avoir un système de climatisation plus intense. Sinon, excellent véhicule, fiable, bien fait. J'allais faire un tour chez nos amis de Land Rover en Floride, une concession là-bas. Je voulais faire un test en X parce que le véhicule était, selon ce que je pensais, en version XLE, traction intégrale. Fait que un test en X, ça implique dans le fond d'avoir une bosse sur la roue avant gauche puis une bosse sur la roue arrière droite. Donc c'est comme une espèce de X. Les deux autres roues qui sont arrière gauche et avant droite se retrouvent dans le vide. Oh! Puisque les deux roues inversées sont sur des bosses. Et j'ai essayé de faire ce test-là avec un véhicule qui finalement n'était pas traction intégrale. Ah. Fait qu'on a juste... C'était du fun. C'est spécial. Ouais. En passant, Land Rover, c'est hallucinant ce qu'on a réussi à passer avec ça. Ils ont des espèces de tests directement dans leur cours, une espèce de petit parcours fait en pierre où on se retrouve dans des positions impossibles. J'ai filmé ça puis ça va se retrouver en ligne très bientôt. Et même chose pour mon essai du Toyota Highlander, des photos. Puis il y a une vidéo qui s'en vient dans la prochaine capsule. Mais en attendant, allez donc voir sur le Facebook PRNDS ou sur ma page. On a sorti une vidéo sur la Mercedes-Benz CLA et mon essai du Range Rover Sport 2014. On a besoin de vues, on a besoin de clics, ben on a besoin de gens qui partagent. Pour voir ça. Vraiment rentabiliser notre nous, pas investissement du tout. Oui. On ne collabore pas du tout à ça, mais on t'encourage là-dedans. Un peu. C'est aucunement notre responsabilité. J'imagine que vous pourrez faire tirer un T-shirt. Un véhicule. Ça. Un véhicule. Voilà. Si vous tournez la grande roue. Comme Bob Barker. Ouais. Un brand new car. Tellement arriéré dans tes références. Ah, ben là, je m'excuse. Moi, il est resté gravé dans mon cœur. Oui, okay. C'est ça. Price is right. Oh. En descendant vers la Floride, ça a été de longues péripéties. Puis on est capable de remarquer les Québécois ou les gens qui viennent du Canada assez rapidement. Ouais, lorsqu'on arrive à partir de la Caroline du Nord, à peu près, que toutes les voitures sont impeccablement lavées. Ah. Sauf les petits Québécois qui arrivent avec leur petite voiture pleine de calcium. Ils sont fiers, hein, Moi, c'est aussitôt qu'il est commencé, parce que tu sais, on est parti à 6h30 le soir. On a été retardé un petit peu parce que j'avais oublié les GPS dans la voiture de mon oncle. On retrouve mon oncle, on prend les GPS, on commence, on embarque sur la route, les GPS fonctionnent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un GPS ne peut ne pas marcher? C'est avec la carte SD. La carte SD n'était pas à jour. J'avais pas pris la peine de vérifier ça. Moi, j'étais dans faire ma valise, m'assurer que j'avais la GoPro, que tout était prêt, que tout était... Les GPS, je suis allé chercher ça la journée même, puis j'ai pas eu le temps de tout configurer, puis j'étais trop excité, puis je me disais, ça va fonctionner, c'est sûr et certain, ça va fonctionner. Mais d'habitude, le téléphone, mettons, avec un GPS dessus, ça fonctionne tout le temps, t'as rien à faire, tu sais. Ouais, jusqu'à la frontière du Canada. Ouais. Jusqu'à la frontière du Canada, parce que passer aux États-Unis, t'as des forfaits de Mongol. Ouais. Ça prend soit faut que t'ajoutes un forfait de base qui te coûte une cinquantaine de dollars. Sinon, ben tu fermes tes données cellulaires, sinon ça va coûter une fortune. Puis d'ailleurs, on était perdu à un moment donné, dépasser New York, entre New York et Washington. Puis ma copine a ouvert son téléphone pour pogner du signal GPS. Et kudos, envoyer un message pour dire « Bonjour, madame, ça vous vient de vous coûter 35 $ Donc, le tiers du prix d'un GPS. Fait, si on faisait ça trois fois, on était aussi bien d'en acheter un GPS. fait qu'on est allé à la carte tout le long. La carte de papier? Oui, la carte de papier. La bonne vieille méthode. À chandelle, tout ça. Oui. Absolument. Le compas. Tout le monde m'a demandé par rapport à mon voyage, puis ça a bien été avec ta copine. Oui, ça a super bien été. T'es sûr que ça a bien été? Vous êtes bien entendu? Parce que un voyage, ça met un couple à l'épreuve. Ben oui. Tout comme monter un meuble Ikea. Oui. Ça te met de la pression sur un couple, puis c'est sûr qu'il y en a qui pognent les nerfs, puis T'sais, après 24 heures de voiture, après 25, après 26, après 27 heures de voiture, ça se peut que les petits sons qu'elle fait, que tu trouvais si charmants à l'époque, te tapent un peu ses nerfs. Quand t'essayes de dormir et qu'elle va chercher une espèce de paquet de bonbons qui sont extrêmement bruyants, ça se peut que tu lui dises de fermer ta gueule! Ce qui n'a pas été fait, bien sûr. Ben non! T'es poli, toi. On la salue, d'ailleurs. Elle qui nous écoute. Non, Evelyne. Evelyne. C'est ça, j'ai retenu. Oui, quand même. Pas pire. T'es bon. Merci. C'est pas exactement de même que ça s'est passé, mais on venait un petit peu plus impatient. On avait hâte de se rendre. Mais ça s'est passé comme un charme. Evelyne est une vraie perle. Et c'est grâce à tout son charme et son tempérament si sympathique que nous avons réussi à nous rendre. Et non pas grâce à mon impatience légendaire. On dirait qu'il se rachète pour quelque chose qui s'est passé. Oui, vraiment. Pas dire. Non, non, tellement non, fine. Je veux la marier. Oh non, la radio. Oui, c'est ça. Veux-tu m'épouser? J'écoutais pas. Puis, ça fait que c'est ça, ça a été... Tu sais, dormir dans une voiture, c'est assez compliqué. C'est assez... À part ça, on t'a donné une mini-couveur. OK. Mm-hmm. C'est tout petit, c'est mini. C'est assez minuscule, effectivement. Et des voitures, mais confortable, quand même. Pas, non. Non? Non, non, non. Ah, j'aurais cru que ça restait plus confortable que d'autres. Je me suis aperçu de ça en voyage, là. Tu sais, quand t'achètes une voiture dans la vie de tous les jours, tu la jettes pour un paquet de qualité, un paquet de critères, l'économie d'essence, la maniabilité, le prix. Pis, la couleur. Quand t'es en voyage, quand ça fait 29 heures que tu roules en voiture, le seul critère que t'as en tête qui compte, c'est le confort. Ouais. T'en sac de la couleur de la voiture, des pitons, des gadgets, de tous les cossins qu'il y a dans la voiture, tu veux juste un banc qui arrête de te martyriser le bas des cuisses. Ce qui n'était pas le cas pour la Mini Cooper. Ah. Pour le retour, j'ai pu utiliser un oreiller le banc. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Mais sinon, tu sais, j'ai dit sauver la vie. Puis, mais... vous avez l'air de prendre ça à légère comme si, ah, OK, tu sais, trouvez ça plus agréable. Non, non, ça m'a sauvé la vie. Bon, pour de vrai, okay. On a eu un accident, l'oreiller. J'en suis étampé dans la vitre. Bon, moi, si tu t'es sauvé de ça pour le retour, c'est au moins, c'est deux fois 29 heures ou c'est... Ouais. OK, wow, je pense que c'était comme en deux. On l'a fait en deux shots okay. Pour revenir. On est allé coucher à Washington. On est très fans de la série House of Cards. Ben oui. Kevin Spacey. Qui quoi? Kevin Spacey. House Exactement. Of Cards, oui. Oui, tout à fait. Puis en plus, la saison 2 est sortie. Puis on a écouté le dernier épisode de la dernière saison à Washington. Ah, ouais. Pose ton téléphone. Avec non. Pardonné, non. Exactement. Sur le Wi-Fi du motel miteux. 620$. Non, moins que ça. C'était un motel à pute. Non. Oh! Cool. C'était un comfort in. Et c'était-tu confortable? Ben le pain, c'est quoi? De l'extérieur, ça avait l'air d'un endroit où il y avait des transactions de drogue régulièrement, mais finalement, à l'intérieur, c'est comme... C'est correct. Ça sentait bon, puis c'était bien fait, puis c'était idéal. C'est une chambre à 100$ en plus. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Mais pour 100$, on était bien contents. Il y a un petit déjeuner le lendemain, plein de Mexicains, on trippait. Super. Okay, on a écouté le dernier épisode de House of Cards à Washington. On est allé se promener après ça. On est allé visiter la ville et c'était extraordinaire. On a failli louer un Bixi sur place. Ah, il y a des Bixi? Oui. Ouais. Quand je dis failli, c'est parce que j'ai posé mon droit de veto. Tu me mettras pas quelque chose à 2 roues, certain. J'ai eu mal aux fesses tout le long de l'allée. Je vais passer sur un baissé. C'est pas vrai, il y a pas assez de crème pour ça. Fait que c'est ça. Fait que finalement, on a mis 5000 km sur la voiture. 5200 pour être exact. Puis au moins sur place, on a réussi à éviter quelques kilomètres supplémentaires avec l'essai du Toyota Highlander, qui d'ailleurs était extraordinaire. Et vous pouvez le voir sur ma page Facebook. Il y a des petites vidéos, des petites capsules sympathiques qu'on a faites sur place, n'est-ce pas merveilleux? C'est cute. On parle de char? What? Oui. C'est pas mal ce qu'on fait, en fait, de char. Cette semaine, en essai, la BMW 428 XI. Elle est rouge et elle est plaquée Ontario. Wow! Ça fait chier tout le monde, c'est mon passage. C'est sûr. Tu sens comme un Ontarien, là, tu vis vraiment le... Pas... Il se sent jugé. La BMW, en partant, ça me donne un air un peu fraîchi. OK. C'est des voitures que j'adore. Tu me vois dedans, tu as l'impression que je suis en train d'écouter un grand concerto. Je suis vraiment en train de fantasmer sur la voiture, sur la conduite, la maniabilité, la façon que le volant est amené. C'est une voiture qui est extraordinaire. Fait que j'ai tout le temps une espèce d'expression un peu satisfaite. Tu sais, l'expression de la fellation. Maintenant, j'ai une image que je voulais pas vraiment avoir. Oui! C'est pour ça que je l'ai fait à radio, voyons. Salut Evelyne, je te comprends maintenant. Donc, j'adopte tout le temps cette espèce d'expression-là, puis c'est une voiture extraordinaire, puis C'est la meilleure de sa catégorie parce qu'elle offre plusieurs sortes de carrosseries. Une carrosserie coupée, décapotable, familiale. On offre bien sûr des Grand Coupés depuis cette année. C'est toutes sortes de carrosseries et de variantes qui sont disponibles. Et c'est ce qui est vraiment typique des voitures allemandes. Si on regarde la compétition au niveau des japonaises, on va avoir des voitures qui sont plus fiables, mais qui sont plus limitées en termes de choix. Donc, on va avoir le standard véhicule berline, ouais, intermédiaire de luxe, standard. Donc, quatre portières, un coffre, puis c'est tout. Mais ça veut dire que l'intérieur de l'auto est pas mal tout le temps pareil, de la même façon. C'est juste la carrosserie qui change. Il y a quand même des subtilités dans le placement des pièces. Là. Je sais pas, je connais vraiment pas ça, mais c'est juste la carrosserie qui change dans ces cas-là. Habituellement, oui. Tu vas toujours garder la même configuration, okay, intérieure. Puis même d'un modèle à l'autre, mettons, tu passes de la série 3 à la série 5 ou X6, tu vas toujours retrouver le même type d'intérieur, comme un Walmart. Tu vas toujours retrouver la même place. Ouais. Exactement. Tu vas avoir des petites particularités, comme par exemple pour la série 4 qui est rouge, la carrosserie est rouge. Il y a des petites touches de rouge à l'intérieur, il y a des petites touches de rouge sur la clé aussi. Donc tout le reste demeure quand même sensiblement pareil, mais oui, effectivement, c'est juste le type de carrosserie qui va changer. Mais c'est tellement pratique, c'est tellement agréable de pouvoir choisir là-dedans, puis on peut. Tu sais, moi, je rêve d'avoir une petite famille un jour et d'avoir ma BMW version familiale qui est montée en malade. Fait que tu sais, à ce moment-là, tu peux passer à côté d'une Mustang ou d'une Corvette. Tu sais, t'as la voiture qui est pleine avec la famille, les stocks de camping, le chien en arrière, puis t'as des enfants qui sont dans la fenêtre, qui font des tatas, puis tu passes à côté, puis il est pas capable de te rattraper. Gros défaut de ces voitures-là, puis les constructeurs commencent à mettre ça de plus en plus sur leurs véhicules, des pneus run flat. C'est quoi ça? Okay. Ça veut dire que si tu fais une crevaison, à ce moment-là, le pneu te fait pas perdre le contrôle du véhicule. Il va te faire perdre le contrôle de ton portefeuille. Ça coûte à peu près 2600$ remplacer les quatre coins. OK. Parce que si c'est une voiture traction intégrale, ça prend des pneus identiques. Fait que tu peux pas aller voir Raymond et dire hey, change-moi le pneu là-dessus, puis let's go, on part. Puis, non, on change les quatre pneus, puis c'est ça. Ça coûte 2600$ remplacer. Ouch. Ça. Fait que c'est. L'avantage, c'est que tu as un meilleur balancement du véhicule, tu perds pas le contrôle si tu fais une crevaison, mais tu sais, c'est rare qu'on voit ça dans les nouvelles. Hein. A fait des tonneaux à cause d'une crevaison. Ouais. Tu sais, je sais pas, moi j'ai déjà fait des crevaisons, puis de tous les pneus possibles, puis j'ai jamais été en perte de contrôle incroyable, puis ça a jamais été si problématique que ça. J'ai déjà perdu de l'argent, par exemple, dans un mauvais investissement. Ah, on raconte? Oui, c'est ça. Ah non, ça implique un voyage à Las Vegas. Et plein d'autres substances. Ouais. Okay. Nous n'irons pas là, on va rester dans la BMW, bien entendu. Disponible avec une boîte automatique à 6? Non. 7? Non. 8? 8, monsieur. Non, 8 pas assez, j'en veux plus. Non. Tu peux en avoir plus, mais il faut que tu ailles dans le Range Rover Evoque, okay, qui va avoir une boîte automatique à 9 rapports, ou dans le nouveau Jeep Cherokee, qui a aussi une boîte automatique à 9 rapports. Mais dans les produits BMW, on a une boîte à 8 rapports qui est pas si douce et si délicate que ça. Ça va donner des petits coups des fois, mais tu sais, en même temps, t'as une voiture sportive. Fait que c'est normal que ça donne des petits coups. Mm. Tu sais, tu commenceras pas à te plaindre parce que la voiture est un petit peu trop vigoureuse. Si tu veux une voiture moins vigoureuse, va te chercher une Nissan Altima. Puis on en parle plus. Zéro vigueur parce qu'on a une boîte CVT. CVT, ça, c'est les trois lettres qui veulent dire c'est complètement endormant. Il bon, y en a qui vont dire c'est pas exact. Ça marche pas, c'est pas grave. Non. C'est en anglais, gars. Tout à fait, c'est de l'anglais. Fait que complètement endormant et complètement fade. Completely very tiring. C'est en wow! anglais. Yeah! Woohoo! Yeah. C'est le nom de l'émission aussi, Completely Very Tiring. Sinon, on a une boîte manuelle à 6 rapports qui fait. Si Léonard de Vinci avait été un inventeur de boîte de vitesse manuelle, il l'aurait inventée comme celle-ci. C'est un charme, d'une précision exquise. Elle est douce, rapide et très efficace. Comme tu les aimes. Comme je les aime. Puis, si vous voulez un exemple de mauvaise boîte de vitesse manuelle, prenez des véhicules coréens. Prenez des véhicules comme Hyundai, Kia. Les boîtes de vitesse manuelle, c'est à chercher autre chose. Ça manque de souplesse, ça manque de délicatesse. Sans un changement de rapport, comme si t'étais en train d'assommer un nain à toutes les fois que tu changeais de vitesse. Comment? Déplacé. C'est très drôle. Ouais. Fait que c'est ça, boîte de vitesse manuelle très précise. Le prix, maintenant, pour la version 320, qui est pour ça la série 3, c'est la même chose que la série 4 que j'essaie cette semaine, sauf que c'est en version berline et la série 4 et la version coupée, donc deux portières, et cabriolet. Les prix commencent à partir de 38 000 $ et peuvent monter assez rapidement jusqu'à 80 000 $ les versions M. Donc, si vous achetez le véhicule, la meilleure façon de sauver de l'argent, de peut-être le prendre à la location, c'est probablement le meilleur choix que vous pouvez faire à ce moment-là, parce que commencez pas à vouloir l'acheter, puis là, la garder pendant 10 ans, puis on a 10 enfants avec ça, puis là, on finit par l'entreposer. Non, c'est pas de même que ça se passe dans les produits germaniques. Dans les produits germaniques, c'est qu'à un moment donné, il y a une pompe à l'huile qui va lâcher, ça va vous coûter 3 200 $, vous allez faire un flat la même semaine, ça va vous coûter 2 600 $, vous allez dire « Colin, plus d'argent pour les enfants. » C'est correct aussi. Tes chiffres sont tellement exacts qu'on dirait une histoire vécue. 2 683 $ et 15 $, ça va te coûter pour changer ton... Puis ça, c'est si tu vas chez le gros Roger. C'est le meilleur prix. Ça va pas chez le conditionnaire BMW qui charge 109 $ de l'heure. Aïe, aïe. C'est exactement ça. Mais t'es tout le temps dans les garages, je connais ça par cœur les prix, toi. On essaie de se tenir au courant. Fait que ça va coûter extrêmement cher. La seule façon d'être capable de sauver, ça va être en le prenant à la location. Puis en passant à la location là, d'une voiture, ça se calcule selon le taux de dépréciation du véhicule sur le temps que vous allez l'avoir. Donc, si vous l'avez sur 3 ans et que le taux de dépréciation est d'un pourcentage quelconque qui totalise, admettons, 12 000 $ à ce moment-là, le prix que la voiture va vous coûter à la location sur 3 ans, ça va être 12 000 $ divisé par 3. Donc, sur ces 3 années-là, ça va être ce prix-là. Génial. C'est bien ça. N'est-ce pas fantastique? Oui, ce l'est. Tu penses t'acheter une voiture bientôt? Non, en fait, il va falloir que je commence par avoir un permis. Pas ça! Okay, tu m'avais pas dit ça, tu m'avais juste dit que t'avais pas de voiture. Ah, je t'ai pas dit ça, mais c'est sûrement que je m'en vende pas nécessairement. Mais il garde des petits secrets. Ben oui, ouais. Sac sort du chat. Sac sort du chat. Fait que, ouais. Faudrait faire ça ensemble, ça serait extraordinaire. Tu veux me montrer comment? Ouais, on va aller chercher une vieille voiture déjà poquée, puis... Déjà poquée, c'est ça. Tu, je vois que tu sous-estimes... mon talent. On pourrait se faire un tableau, suivre ta progression, puis d'après moi, tu serais capable d'y arriver d'ici la fin de l'année. Ça serait cool. Avoue que ça serait un beau défi. La cool. Fin de l'année 2014, on parle. Ouais. Pas l'année scolaire. On suit ça, on fait des chroniques spéciales, une série de chroniques sur apprendre à conduire. Tu m'avertis d'avance que je mette pas mon auto dans le stationnement du QTR. Ah, moi, te chercher. Ça va bien aller, ça va bien aller. Une précision incroyable. Bon, je signe où, moi? Signe là? C'est signé. C'est fait. C'est tout, merci Jean-Samuel. C'est un plaisir, je vous invite à aller visiter la page PRNDS sur Facebook, à l'adresse qui est si simple à retenir, facebook.com/prnds.net. Et on a une chaîne YouTube aussi que vous pouvez aller visiter. Puis je pense que je vais la partager directement sur le Facebook. Vas-y. Tous les gens qui sont là, garochez-vous sur le Facebook, les 7 personnes qui nous écoutent en ce moment. Tout à fait. Si nombreuses soient-ils. Puis en plus, j'ai un abonnement à Summum à faire tirer. Un abonnement d'un an. Summum magazine. C'est hâte, ça. Pour gars, bon, ça. Oui. Oui, pas mal. Oui. Et pour filles à tendance. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'on sait ce qui est arrivé à Summum Girl il y a 2 semaines. Ah, fermé? C'est fini? Oui, c'est all over. Bon. Et, terminé. Succès que Summum Girl. J'ai pas vu ça passer. Ben non. Ouais. Il t'a envoyé une lettre pour canceller ton abonnement. Oui, c'est ça. J'ai juste pas ouvert. Je suis dans le déni. Et on lit dans le Zone Campus. Aux 2 semaines, il y a un nouveau numéro qui est sorti. En fait, qui sort là aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et sur zonecampus.ca. Merci Jean-Samuel Guillaume. À la semaine prochaine. Plaisir. Salut, man. C'est mardi à 7h30. À l'Assemblage Ricky. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage Ricky de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Après tout ce que ça nous arrive, c'est une dame qui a gagné 2 millions de dollars grâce à un fortune cookie, donc un biscuit porte-bonheur. Un fortune cookie qui porte bien son nom, Emma Duvall, américaine Duvall, OK, américaine de 75 ans, résidant dans le Bronx à New York, a remporté 2 millions de dollars à la loterie la loterie Powerball après avoir joué les numéros qui figuraient dans son fortune cookie. Hein? C'est génial. Son fils avait rapporté le dîner chinois alors qu'elle a ouvert le fameux biscuit. Elle a trouvé les chiffres intéressants. J'avais l'habitude de jouer toujours les mêmes numéros, a-t-elle avoué. Et je n'avais jamais rien changé ni gagné. Quand j'ai regardé, il me semblait bon ces numéros. C'est ce qu'elle a expliqué à la chaîne CBS. Emma Duvall a donc joué les chiffres du Fortune Cookie et la chance à payer puisque 5 de ces numéros correspondaient au numéro gagnant. La New-Yorkaise a ainsi remporté 2 millions de dollars. Elle dit « J'étais surprise, mais heureuse. » Mais j'espère. Désormais millionnaire, elle envisage de placer son argent et de faire un voyage en Suisse pour rendre visite à sa famille d'origine, la famille Duvall. Hein? Ben oui. On va aller faire un vol, en tout cas. Hein? Ben oui, les jeux de mots sont faciles. Ici, ça c'est génial, cette nouvelle-là aussi. Aux États-Unis, une professeure dévoile par erreur sa sex tape. Donc, l'institutrice de l'Arkansas s'est trompée de vidéo, hein? Peut-être un peu. Donc, en souhaitant rendre son cours plus intéressant, une professeure de l'école de Little Rock dans l'Arkansas, les gens disent que dans l'Arkansas, il se passe rien, hein? Cette professeure a décidé de montrer une vidéo à ses élèves, mais l'institutrice, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée, a diffusé par erreur une sex tape l'impliquant elle-même et son mari. Se rendant compte de son erreur, elle a immédiatement arrêté la diffusion, laissant sa classe sous le choc d'une découverte bien peu pédagogique, mais en tout cas, désormais, ils connaissent les élèves, leurs professeurs, d'une autre façon, peut-être. Ils vont peut-être avoir un autre regard sur elles. L'erreur n'a pas, bien entendu, été du goût des parents d'élèves qui se sont empressés de réclamer le renvoi de la fautive. C'est ce que rapporte une chaîne locale. Je souhaite que quelque chose soit fait. Je m'inquiète pour mon fils, témoigne Nicole Tollerson, une dame mal. L'un d'entre eux, quant aux responsables de l'école, ils réfléchissent à une sanction appropriée. Hein? Ben oui, mais le pire, c'est les élèves qui se sont plaints, hein, quand même. Mais bon, on peut comprendre que c'est pas nécessairement très, très orthodoxe comme façon de fonctionner. On peut le comprendre que ça peut ne pas plaire à tous, c'est clair. Et puis, c'était pas le but de la professeure, de l'institutrice, hein, de montrer ça. C'est une erreur. Sauf que, moi, je trouve ça un peu étrange. Comment on peut se tromper de vidéo de cette façon-là? Mettons qu'on a la vidéo dans son ordinateur. Il doit avoir un titre sur ce clip. Ou en tout cas, peut-être que c'est que le petit sextape était déjà dans son lecteur numérique et puis qu'elle a mis un autre film et elle a fait play. Tu sais, mettons, on met une pièce dans un lecteur puis on fait play. Peut-être qu'il est sur l'autre. Tu sais, il peut arriver bien des trucs, mais bon. Un peu particulier quand même d'amener jusque-là sa vidéo de soi. Hein, faut quand même pas être si gêné que ça, même si c'est une erreur, hein, quand même. Faut traîner sa sextape avec soi pour pouvoir la montrer à ses élèves, quand même. C'est pas tant dans le privé que ça. Sinon, dans un autre ordre d'idées, eh bien, c'est le Skeletonix. C'est un exosquelette révolutionnaire qui pourrait changer la vie de beaucoup, hein, de tous, finalement. Alien, Avatar, Iron Man, Pacific Rim, ce sont les exosquelettes qui sont très présents dans le cinéma. Difficile d'en croiser un dans la rue, hein? Mais cela pourrait changer grâce à une start-up japonaise et son projet est nommé Skeletonix. Donc, le 25 février dernier, Barack Obama annonçait, non sans humour, que les États-Unis travaillaient sur la fabrication d'un Iron Man. Bien sûr, le célèbre héros en armure de Stan Lee. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un tel projet ne paraît pas aujourd'hui si improbable que ça, comme le prouvent les récentes avancées d'une entreprise japonaise. La Team Skeletonic est une société japonaise née dans la ville d'Okinawa et est désormais basée à Tokyo. Cette équipe de passionnés est à l'origine d'un projet qui paraît complètement fou au premier abord, réussir à fabriquer un exosquelette. Mais précisons que ce projet a déjà dépassé le stade du concept et que les premiers prototypes ont déjà été fabriqués. D'une hauteur de 2,5 mètres, l'exosquelette Skeletonic possède la particularité d'être uniquement alimenté par la personne qu'il porte. Ainsi, il ne décuple pas la force du porteur, mais lui permet des mouvements d'une plus grande envergure. Pas question donc de créer une arme de guerre ou d'essayer de soulever des objets pesant une tonne. Cet exosquelette est pour l'instant réservé à un usage ludique. Ainsi, vous pouvez par exemple vous promener en attirant tous les regards ou encore vous entraîner à boxer dans le vide. Si les possibilités de cet exosquelette sont limitées, il constitue une bonne base pour d'éventuels ajouts à venir. On peut imaginer les multiples possibilités qu'offrirait un exosquelette motorisé permettant de décupler la force ou encore de se déplacer plus rapidement. Les personnes en fauteuil roulant, les militaires, les manutentionnaires pourraient notamment être très intéressés par une telle avancée technologique. Allez voir en vidéo, c'est vraiment très, très sympathique. Comment ça fonctionne. Et si ça fonctionne simplement avec l'énergie des humains qui le font se mouvoir, eh bien, je pense qu'on n'est pas loin d'ajouter quelques petits moteurs pour donner un peu plus de force ou d'ajouter, on veut pas le dire, mais des armes ou des trucs du genre, hein, des pinces, des trucs pour travailler un peu plus industriellement ou un peu plus militairement, malheureusement, mais c'est comme ça. On peut pas se mettre en travers de l'évolution quand même. Et sinon, tiens, on va aller se faire cette nouvelle. Vous allez voir le titre, hein? Il n'aurait pas dû violer un pitbull, non? Et si vous verriez le suspect, je pense que c'est la seule chose qui peut se taper, c'est un pitbull. Et non, aïe aïe, hein? L'affaire défraie la chronique outre-Atlantique. Un homme d'une cinquantaine d'années a été mis en état d'arrestation pour avoir eu des relations sexuelles avec un pitbull. OK. Donc, que s'est-il passé dans la tête de Bernard Marsonnec, âgé de 56 ans? Un habitant de Tampa, en Floride, a été arrêté 4 mars par les hommes du shérif pour avoir perpétré des actes sexuels sur un pitbull en plein jour sous les yeux de ses voisins. OK, mais si vous verriez le visage de Bernard Marsonnec, vous comprendriez, oui. Ce sont d'ailleurs ces derniers, indisposés par le spectacle, qui ont donné l'alerte après avoir demandé plusieurs fois en vain aux zoophiles fous de mettre fin à ses activités. Ils ont décidé d'appeler la police. Je pense qu'ils ont bien fait. Sérieux, il a vraiment l'air d'un dangereux. Arrivés sur place, les hommes de la patrouille ont dispersé le petit attroupement qui s'était formé et n'ont pas tardé à mettre la main sur le forcené à la libido étrangement orientée. Marsonnec a été arrêté à son domicile et perquisitionné. Sur place, les hommes ont trouvé des armes, des munitions. Ils ont également tombé sur 8 autres pitbulls qui ont été confiés à une société de protection des animaux. En liberté, sous caution, Marsonnec risque une lourde peine de prison pour cruauté envers animal. Zoophilie, détention illégale de munitions, etc. Vous irez voir, pour vrai, le visage du bonhomme fait vraiment peur, mais vraiment. Si drôle d'histoire, cette histoire de Tupac, on connaît, hein? Et si Tupac n'était en réalité pas mort? Ça, je pense que ça peut arriver avec toutes les vedettes, avec tous les artistes cultes qui sont morts un peu trop tôt, un peu trop jeunes. On en voit toujours la fameuse thèse du complot et la fameuse thèse qu'ils sont allés vivre tranquilles, hors des caméras, loin des paparazzis. Eh bien, l'idée peut sembler étonnante, mais elle enflamme actuellement les réseaux sociaux après qu'un homme à la ressemblance troublante avec le rappeur a été aperçu lors d'un match de la NBA. Donc, Tupac n'est plus de ce monde depuis près de 18 ans, mais sa présence continue pourtant de se faire sentir. Et après être apparu sous la forme d'hologramme au festival Coachella de 2012, le rappeur aurait cette fois été aperçu en chair et en os à un match de la NBA opposant les Boston Celtics au Golden State Warriors le 5 mars dernier. Enfin, presque. Lors d'un temps mort pendant le match, alors que résonnait la chanson California Love, la caméra du stade s'est promenée dans la salle, filmant les spectateurs avant de tomber sur un homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la regrettée star du rap et auteur du célèbre tube. Veste blanche, moustache, médaille autour du cou et foulard sur la tête. L'homme avait tout du sosie parfait et les nombreux fans présents ne s'y sont pas trompés en commençant à scander « Let's go Tupac, let's go Tupac ». Très remarqué, la star d'un soir s'est permise quelques photos en compagnie de supporters. Même depuis le terrain, les joueurs des Warriors, Andres Iguodala, s'est fendu plus tard d'un petit tweet où il a indiqué « Pac était dans les tribunes ce soir ». Quoi qu'il en soit, sa seule présence a en tout cas suffi à enflammer les réseaux sociaux et a réussi à faire vivent les plus belles et les plus folles théories qui circulent à son sujet. Car depuis sa mort en 1996, Tupac fait l'objet de toutes sortes de rumeurs qui viennent alimenter la légende. Officiellement, il serait décédé le 13 septembre, il y a près de 18 ans, à la suite d'une fusillade. Mais certaines circonstances partiellement élucidées de sa mort ont amené certains fans à croire à un complot ou à même une manœuvre orchestrée par leur idole elle-même. Tupac serait ainsi toujours vivant. Aujourd'hui, il aurait 42 ans et vivrait reclus sur une île déserte ou bien dans sa ville à New York, sa ville natale à New York, avec Kurt Cobain, avec Elvis Presley et tous les autres. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30.

Ça dure que quelques minutes. Ils se jettent un sur l'autre, puis le groupe qui perd est chassé. Puis ça leur donne une décharge d'adrénaline. C'est à ça qu'ils sont accros. Il y en a même qui vont se déplacer sur des milliers de kilomètres pour participer à la bataille. À la fête, pardon. Là, quand tu dis fête, là, c'est avec des ballons, puis un gâteau. Puis... Bonne fête, comme on dit. Ouais. Puis, il y a différents noms de groupes que j'ai trouvé, que je trouvais comiques. En Angleterre, vous avez le Suicide Squad, les Headhunters, les Hull City Psychos, The Red Army. Et en France, on a les Commandos Pirates, les North Warriors et les Fractions Furax. C'est tellement viril. Les Fractions Furax. Fractions Furax. Ah, les mots de français. Voilà, mais faudrait faudrait pas qu'ils s'en reviennent ici, hein, parce que bon, c'est ça. Hey, c'est un peu mongol. Ouais, un peu beaucoup. Ben, ça rassemble. Ça dépend ce que les gens veulent. Puis c'est contrôlé un peu. Là, ils se mettent des règles et tout ça, mais bon. Boy. Des règles des airs déterminées par les gens qui se battent eux-mêmes. En tout cas, ça doit être à cause des jeux vidéo. Musique rock. The devil. Ah. Voilà. Superbe. Les Hooligans, pour terminer cette chronique du Vieux Lectionnaire, viens avec Mire aux deux semaines, les jeudis à 7h30. Et oui. Merci, à l'heure de semaine. Ben oui. La suite de la lettre H. Ça va être Hip Hip Hipoura. Ouais. Ça va être Hot. Je sais tellement pas. Hyperactif. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Ben ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Oh yeah! Eh bien oui. Merci pour la passe de drum, Michel. Toujours aussi efficace. je suis en forme. Moi, j'ai fait un petit scratching. Donc, aujourd'hui, à notre bière de la semaine, qui fait des petits, hein, ben oui, on se fait copier encore à matin, on se fait encore copier la bouffe de la semaine, la malbouffe de la semaine, puis ils rient de nous autres. Ben oui, c'est comme ça, hein? C'est tout le temps les meilleurs qui se font parodier, quand même. Moi, ils n'ont pas la petite passe de drame. Non. Ben oui, non, c'est ça le pire. Donc, sur ça, eh bien, c'est notre bière de la semaine, présentée par La Barrique, et aujourd'hui, eh bien, j'ai un peu... tordu la note, j'ai un peu dit, je suis tanné d'avoir de l'IPA parce que tout est amer de ce temps-ci. On met toujours, hey, puis en plus, la bière aujourd'hui qui m'avait préparé un IBU de genre 114, là, c'est sur 100. C'est un IBU, c'est l'indice d'amertume. C'était comme une bière amère, plus amère qu'amère. Là. J'ai dit, les gars, on peut-tu aller vers un petit peu plus de douceur? Et puis les gars savent que j'aime la Scotch Ale. Donc aujourd'hui, on déguste une Scotch Ale qui nous vient de Rouyn-Noranda. Ah! Quand même, on boit un produit qui nous vient du Trèfle Noir, cette microbrasserie sur la rue Jacques Bibeau à Rouyn-Noranda. Et elle s'appelle la Auburn Evil. La Auburn Evil est une bière d'un brun obscur, au reflet rougeoyant inspiré des bières fortes issues de l'Écosse. Elle a l'étoffe d'une bière d'hiver où il est bon se réfugier pour y trouver un chaleureux goût de malt et de caramel. L'alcool y est bien présent et se marie à merveille avec des notes de prunes et de fruits confits. Ben, en ce temps de tempête, une belle petite bière d'hiver, là, c'est parfait, ça? C'est exactement ce que je lui disais. J'étais là, il me semble que j'ai besoin de me réconforter, de me réchauffer un petit peu. Elle figure à 8,7% d'alcool. Oupla! Une bière qu'on peut appeler madame et monsieur en même temps. Un format poupée à 500 millilitres. Une petite poupée. Moi, c'est mon format préféré, personnellement. C'est la 341, c'est ridicule. C'est presque un échantillon. Et une grosse bière, ben, t'es tanné. Celle-là, format poupée, c'est la poupée à avoir. Et ben, sinon, on va se l'ouvrir, je pense, cette bière-là. On est rendu là. C'est comme si j'étais tout fébrile. On baisse la trame. Tu. Ah, ça, ça sent bon. Ça sent des notes que je suis... ça sent le réconfort, c'est ce que je pourrais dire. Oh, une belle couleur brune, un peu dorée en même temps. On attend un petit peu, Michel, je veux juste nous séparer ça équitablement. On est du monde de même, nous autres. Attends un peu. Je pense que c'est pas pire. On est pas pire. On est parfait comme ça. Donc, c'est servi. Une belle bière dans le verre qui est d'un brun, mais quand même pas d'un brun opaque, là, comme certaines bières qu'on a eues. Il y a une certaine lumière qui peut passer au travers. Un beau col beige. Une couleur vraiment très, très scotchelle. 50 Shades of Beige. C'est exactement la 50 Shades of Beige. Ça pouvait pas être la meilleure pièce que ça juste avant. Pour vrai, tu peux pas avoir mieux dit. Un petit col qui colle bien au verre, une belle dentelle, des micro-bulles, des grosses bulles, tout ce qu'il faut pour des bulles. Par contre, ça ne semble pas très effervescente si je regarde derrière, dans le verre. Là. Ben, c'est rare d'habitude aussi, les Scotch Ale qui sont très effervescents. D'habitude, c'est très liquoreux. OK. Fait qu'on va sentir. Au nez, à date, ça te dit quoi? Parce qu'elle descend assez rapidement. Là. Ben, non, je parle pas de la bière. J'allais, il n'a plus. Je parle plus. De la mousse. Il n'a plus. Il m'a dit, écoutez, n'as-tu un autre? Bon, ça va. N'as-tu un autre? T'es où? Donc, au nez, ben oui. Le caramel, le bonheur. Caramel sucré. Oui, le sucre, ça, c'est sûr qu'il monte au nez. Justement, le toffee, là, le genre de vraiment le caramel écossais, il est là, là. Tu sais, les paquets roux. Je me rappelle plus comment il s'appelait, Mackin, quelque chose. Oui, carotte et rouge. Oui, carotte et rouge, exactement. Rouge et vert. Oui, ça nous. Moi, ça me. Il y a une odeur qui vient, qui monte vraiment, qui nous fait penser à ça. Et de là, l'appellation du type aussi, une Scotch Ale. Moi, je pense que j'ai assez de la sniffer. Il en reste quasiment plus. On ne se lasse pas, par exemple, de la non, sentir. On ne se lasse vraiment pas de sentir cette bière. On va se monter cette petite trame. Tiens, ça va être peut-être plus intéressant pour vous. Mm-hmm. Ah tiens, à la tienne. Mm-hmm. Du bonbon. Ah, oh, c'est très bon, ça. C'est du bonbon, tout simplement. Très, très rond en bouche. Ça fait du bien après les nombreuses et nombreuses IPA qu'on a bu qui sont là pour te revirer à la bouche. Il y a quand même une petite amertume à la fin. Très légère. OK, ouais, je sens qu'est-ce que tu veux dire. Mais avec ce qu'on est habitué depuis quelques temps, ça, c'est sûr. Là, c'est comme du beau velours qui nous coule dans la bouche. Ah oui. C'est une très belle expérience en ce moment, ce que je bois. J'aime ce que je bois. Mais tu vois, la mousse, c'est déjà... Déjà terminé. C'est de l'histoire ancienne. Oui, c'est ça. Par contre, une belle couleur de mousse qui reste. La genre de mousse résiduelle est vraiment sympathique. Et comme je disais tantôt, elle colle très bien au verre. Un beau produit. Sur ratebeer.com, l'overall est pas si fort à 72 % et le style à 43. Moi, personnellement, c'est mon type de bière, la Scotch. Non, mais là, je commence à pu y croire, là, parce que ça fait plusieurs fois que tu me fais le coup de me dire qu'elle est complètement mal cotée, puis c'est... pour moi, il y a un problème. Moi, c'est pour ça que je fais juste le dire. Ouais, j'aime mieux lire la description, puis c'est rare que les descriptions sont très négatives. Ouais. Fait que je pense que c'est plus sur le flot de critiques. Comment il y en a eu en tout de critiques de cette bière? Y a-tu plusieurs pages? Ah, il y a 3-4 pages quand même de critiques. Et puis, ça dépend tout le temps. C'est qu'en ce moment, en plus, Michel, c'est qu'on l'a dit, l'IPA, c'est la mode. Mm-hmm. Les gens veulent des trucs amers. Quand les microbrasseries ont commencé au Québec, là, il y a quelques années, les gens voulaient des produits comme ça. Puis moi, je suis resté accroché à ces produits de qualité-là. Ouais. Assez forts en alcool, réchauffants, enrobants, je te dirais. Très, très confortable comme liquide. Mais là, à cause de la mode, peut-être aussi que les gens trouvent que c'est trop rond, trop facile à boire. Ouais. Tu sais, les gens aiment ça se penser un peu hot. Ben, c'est sûr qu'à 8,7, faut pas que ça soit trop facile à boire. Ouais, c'est ça. Mais elle est très facile à boire, un peu trop facile à boire. Oui, puis je suis surpris parce que je m'attendais à quelque chose de sucré. C'est sucré, mais c'est pas, ça tombe pas sur le cœur du tout. Vraiment, c'est ce que j'allais dire. Elle est sucrée, la bière, puis il y a des Scotch Ale qui tombent sur le cœur, vraiment. Ouais, c'est ça. Et celle-là, pantoute. La température est bonne. Tu sais, des fois, on les demande un peu plus chaude. Moi, en ce moment, je la trouve parfaite à cette température-là. Uh-huh. Plus chaude, elle deviendrait un peu plus sucrée, un peu plus... Ça tomberait un peu plus à la patate, comme puis on peut dire. C'est peut-être pour ça que je sens quasiment comme une petite amertume. Oui, c'est fin. Le froid. Oui, puis y a pas le sucre tombe pas sur le cœur. Vraiment pas. Et moi, je trouve que c'est un gros avantage pour cette bière-là. Parce que, justement, les gens qui sont autour de moi... qui savent que moi, j'aime la Scotch Ale. Des fois, ils disent « Ah, oh, ça tombe sur le cœur, c'est trop pesant, c'est trop si... » En ce moment, cette bière-là, je pourrais pas dire ça. Je pourrais la conseiller à tous. Même que la, peut-être deux petites. Oui, c'est deux, ça. Deux poupées comme deux ça, poupées. On aurait été vraiment de bonne humeur. Ça, c'est officiel. Sinon, tiens, on va s'envoyer une ou deux petites critiques. Attends un peu, là, l'ordi fait des siennes. OK. C'est comme ça. Hein? L'informatique, je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est souvent comme ça. Tactique Montréal, qu'on prend souvent, souvent en exemple, qui en a critiqué quand même 5498 bières. Le gars, il a 5498 bières. Derrière sur... la caravane. Oui, ça, c'est ceux qui ont noté. Imaginez. Donc, verre de dégustation provenant d'une bouteille de 500 ml, exactement comme ça. Dégusté au Mondial de la bière, OK. Arôme, goût de caramel avec une pointe de céréales. Mais là, on est avec une bière, c'est clair qu'il y a de la céréale un peu, mais le caramel est vraiment présent. L'apparence, la couleur est brune avec une très faible densité de bulles. Pas mal ce qu'on a dit aussi. Elle n'est pas très, très effervescente, cette bière. Et comme j'ai dit tantôt, c'est rare une Scotch Ale qui est très effervescente. Ça ne marcherait pas ensemble, tu sais, d'avoir une langue qui pétille comme une liqueur, tu sais, une poisson gazeuse, puis d'avoir le goût très sucré, justement, on aurait l'impression de boire de la liqueur, ou presque. Donc, si je continue, présence d'un mince col beige mousseux et d'une fine dentelle sur le verre, exactement ce que je vous ai décrit tantôt. La saveur au goût de caramel avec des pointes fruitées. Durée moyenne de l'arrière-goût, donc ça, c'est bien. C'est vrai qu'il n'y a pas un long arrière-goût. Non. Mais c'est sûr que si on goûte vraiment, on a toujours les céréales là, qui ressortent en dernier. Mais c'est dernier. Peut-être pour ça qu'on a le goût d'en boire. On a le goût d'en boire plein, ça c'est sûr. La palette, le corps est moyen avec une texture légèrement minérale, dit-il. Moi, je sens pas non. Ça. Là. Même sa pointe fruitée, je suis pas trop sûr. Non, non moi, on est vraiment dans le gros caramel, dans le sucre. Là. Côté odeur, mais hey, au nez, là, est encore meilleur que tantôt. Oui. C'est hallucinant. À 100, on dirait que c'est grand-maman qui est en train de préparer du caramel. On sent l'alcool, en tout cas. Tout à fait. Sinon, moyenne effervescence en bouche. Moi, je trouve pas du tout effervescente en bouche, personnellement. Légère présence de caramel en arrière-goût. Ben, si on compare à d'autres Scotch Ale, peut-être qu'il y a une moyenne effervescente. Oui, oui, oui. Ici, Cargo, un que j'ai jamais pris en exemple, il dit une couleur brun foncé. Avec un col peu mousseux, typique d'une Scotch Ale. Oui, nez de caramel, de grains grillés, de sucre d'orge. Encore, c'est bien, mais c'est pas mal, ça résume l'autre. Il dit en bouche, c'est très caramélisé, avec beaucoup de sucre d'orge, avec une pointe de pain grillé. Beaucoup de sucre d'orge. Moi, je trouve que c'est plus au nez encore qu'au goût. Tantôt, tu le disais, ça tombe pas sur le cœur. Parce que moi, avec comment il décrit ça, j'ai pas le goût d'y goûter. Moi, c'est ça. C'est trop sucré, là, comme... Puis moi, comment qu'ils font pour goûter du pain grillé là-dedans? Mais pain grillé, la semaine passée, je l'avais. Ah oui? Ça goûte la toast. Ça goûte le pain grillé, le grain torréfié. Ah, c'est ça. C'est vraiment... Des fois, ça goûte vraiment la toast. Ça sent un peu comme le matin quand le grille-pain dépasse un peu à coche. Là. Ça sent le pain grillé. Sinon, Alain G., lui aussi, on en a souvent parlé de lui. Il dit « c'est brun ». Il y a des reflets rougeâtres. C'est ce que je disais tantôt, une belle couleur. Ouais. Il y avait un côté rougeâtre. La mousse se résorbe rapidement en un mince voile au-dessus du liquide. Ça sent les Tootsie Rolls. Des Tootsies, c'est des rouleaux de caramel, genre. Ah, oui. Une espèce de bonbon mou au caramel. Il y a des senteurs de sauce aux huîtres et de jus de pruneau. Je pense que ton verre était mal lavé, man. Il y en avait peut-être pris deux. Oui, ça, c'est sûr, mais je pense que ton verre était mal lavé. Moi aussi, des fois, la vaisselle fait des siennes, puis le verre sent pas bon, mais c'est pas la bière dans ce temps-là. Hein? Ça goûte encore le bonbon, mais le type outil. OK, le type outil que j'achèterais à Seine quand j'étais ticu. OK. Le bonbon outil quand il achetait à Seine quand il était garçon. Ça devait être une forme comme des lèvres ou des pieds. Là. C'est un outil peut-être, je sais pas. Mais c'est ce qui est drôle de lire. Hein? L'alcool est subtilement présent. Il y a quelque chose d'artificiel qui m'agace. Le jus de pruneau est dans le cou, en bouche aussi. J'aime bien leur étiquette, mais si le bûcheron est plutôt facile comme représentation, ce n'est qu'un détail, blablabla. Bla, bla. OK, tu vois tout de suite, drôle de critique ça. Assez drôle de critique. C'est un petit peu gras, moi, je trouve. Un petit peu huileux. Ouais, mais ça, je disais, licoreux. Non. C'est très licoreux. Ben, ça, c'est souvent la caractéristique d'une bière qui a beaucoup d'alcool. Elle devient licoreuse. Puis en plus, là, on met du sucre pour équilibré avec l'alcool, fait que ça donne un beau petit jus, là, ça c'est sûr. Et tiens, on va s'en faire une petite dernière. On va aller avec Viper 666, qu'on a pris souvent en exemple ici. Il y en a quand même 2763 critiques sur le site ratebeer.com. Il dit, en bouteille de 500 ml de couleur brune très foncée, quasi opaque, un nez sucré d'un mélange de sucre bonbon, de caramel, de léger, de sirop d'érable, léger de chocolat noir, de fruits foncés confits, de fumée de bois avec des petites notes d'alcool et des traces d'anis. Pas tant. moyennement ronde en bouche avec un pétillement moyen ainsi qu'une texture aux notes sirupeuses. Ça, oui, mais pas le pétillement en bouche. Moi, je sens pas le pétillement en bouche, mais vraiment pas. Il y a aucune trace de gaz aussi qui reste de cette bière. Mais c'est peu. Non, très peu. C'est sûr que si vous êtes un amateur là, en ce moment de la mode de boire des IPA, boire des bières très amères, très fortes au goût, mais très secs, tout ça, vous ne serez pas content avec la Auburn Evils. Par contre, si vous aimez comme moi les choses bien charnues, bien goûteuses, texturées, eh bien, je pense que la Auburn Evils est une très bonne scotch. Mais il ne faut pas avoir peur, il n'y a pas question ici que c'est trop sucré. Non. C'est parce que, comme on disait tantôt, on peut avoir peur. Moi, j'avais peur de ces bières-là, que ça me tombe sur le cœur, mais celle-là, vraiment pas. Bien, c'est souvent le cas. Comme exemple, ma copine, moi, est beaucoup plus du type. En tout cas, c'est pas. Elle, les bières sucrées, elle a bien de la misère avec ça. Moi, celle-là, je me la demande si elle l'aimerait parce qu'elle est vraiment difficile sur le sucré. Moi, personnellement, parfaite, justement parce qu'elle l'est pas trop. Y a des bières qui sont, oui, effectivement, trop liquoreuses. Tu sais, après un petit verre, t'es écœuré. Mais on sent le 8.7. Ben, une chance, c'est parfait. Sinon, je vais juste finaliser ce que Viper 666 nous disait. Il nous dit moyen goût fruité, blablabla, note de fumée de bois, des traces d'anis, ça je l'avais dit. Il dit l'entrée en bouche se rajoute rapidement un goût malté, assez sucré de caramel, légèrement terreux et rôti. Terreux, je sais pas. Léger sucre brun, un goût de léger sucre brun, ben oui, mais ça, quand on parle caramel, sucre brun, sirop d'érable, on est à la même place. Pain grillé, lui, il revient encore avec le goût. Parallèlement, on retrouve un goût léger d'alcool aux notes réchauffantes jusqu'en finale, dit-il. Michel a l'air d'acquiescer. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et il dit où il s'y développe une légère amertume de houblon herbeux. C'est ce que toi, tu disais à la c'est fin. C'est ça je trouvais, moi. Moi, je la ressens pas, mais possible. Hein, tu sais, ma bouche est loin d'être parfaite. Des petites notes de chocolat noir, pas ce goût long moyen légèrement. C'est ce que ma blonde te dit. C'est ce que ta blonde te disait. C'est encore drôle. Et là, tu m'as déconcentré. Je sais plus où ce que je suis. Donc, il dit le poste goût moyen long légèrement amer, non, rôti de l'alcool. Là, on s'entend pas. Il dit, lui, un goût malté sucré résiduel ainsi que des notes de houblon et de fumée. Moi, souvent, c'est les gens, c'est ce qu'ils disent. Mettons, comme ma copine, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, moi, c'est le sucre résiduel. J'aime pas. Elle aime cette formulation-là. Les sucres résiduels. OK. Moi, personnellement, j'adore. Moi aussi, franchement, je suis pas... Pas déçu? Non, du tout. Puis donc, je suis pas Scotch Ale. Moi, c'est pas ton bu, type, hein? Puis j'ai jamais bu beaucoup. OK. Non, pas vraiment que c'est pas mon type. Genre. Finalement... On n'en trouve pas. Non, il n'y a pas... En brasserie, là. Et dans un dépanneur régulier, oubliez ça, vous ne trouverez jamais une Scotch Ale qui goûte ce qu'on goûte en ce moment. Impossible. Alors, où il faut aller? À la barrique, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on dégustait une Auburn Evil de la microbrasserie Le Trèfle Noir, située à Rouyn-Noranda. C'est à Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda. À Rouyn-Noranda ou Noran-Rouyn. En tout cas, dans ce coin-là, au Canada, où il qui fait fret, mais ils savent bien se réchauffer avec cette bière. Cette bière-là a été embouteillée, mes amis, exactement le 28 janvier 2014. Mais était bien sûr en cuve. Donc, on a quand même un produit assez frais et bien intéressant ici à boire, à découvrir. Si vous voulez, comme Michel l'a dit, découvrir quelque chose d'autre qui n'a pas nécessairement des dépanneurs, puis peut-être des types de bières que vous ne saviez pas que vous aimez. T'sais. Exactement. Eh bien, allez découvrir, allez à la barrique. Et moi, je vous dis, prenez les conseils de la barrique, mais dites-leur surtout ce que vous aimez. Parce qu'eux autres, ils vont vous offrir un peu ce qui est le goût du jour en ce moment. Tu sais, mettons, si tu dis « Ah, qu'est-ce qui se boit? Qu'est-ce qui est bon? » Ben, ils vont arriver avec le goût du jour. Tandis que si vous dites « Moi, j'aime telle chose », ben là, ils vont vous trouver vraiment le produit approprié à vos goûts. Je suis ton beige, c'est ma couleur, puis je vois pas tes deux.

Je suis allé voir, par contre, Miraculum. Oui, oui, oui, on t'avait envoyé un visionnement de presse. Un visionnement de presse où il faisait froid dans la salle. Pour vrai? Oui. Il n'avait pas chauffé pour vous. Ben, on était trois. Ben, c'est ça, hein? C'est une ambiance très chaleureuse. Ouais, intimiste. Il y avait le gars qui lavait le plancher, puis... C'est une ambiance intimiste. Exactement. Particulier, trois. Ben oui, mais c'est parce que c'était une deux. Il y avait rajouté une représentation, il y en avait une autre. OK. Faut... Mais aussi, moi, je trouve faire ça à 10h le matin. Je m'excuse, mais c'est n'importe quoi. Surtout ce film-là. Ah oui? Ah oui. OK. Explique, c'est quoi un peu. Ben, c'est le quatrième long métrage de Pod. Oui. OK. Réalisateur très, très connu. Exactement. C'est un film choral. C'est ce qui veut dire qu'il y a plusieurs histoires en même temps. Mais ils sont liés par un événement plus ou moins important, le lien, mais c'est toujours lié à ça. OK. Donc là, je te dis les thèmes du film. Vas-y. On parle de drogue, adultère, inceste, alcoolisme, jeu, religion, maladie, suicide, accident. OK, un petit film relax, là. On parle de drame... mur à mur. OK. Fait que si vous êtes là... La petite vie normale. Ben exactement. Moi, je suis allé à 10h le matin, laisse-moi dire. C'est quelque chose. C'était hein? quelque chose. Ouais. Mais les deux mots qui reviennent souvent pour décrire le film, c'est hypnotique et envoûtant. OK. Donc, puis c'est appuyé aussi par une musique là, qui te ramène tout le temps. Là, OK. C'est pas simple. Dramatique, c'est pesant. Dramatique mur à mur. Okay. Il n'y a pas, de contrepoids léger okay. pour être. C'est lourd tout le temps. Là. Exactement. Okay. Mais les acteurs sont excellents, prises de vue sont bonnes. Mais à la fin du film, tu remets le fait que l'euthanasie serait peut-être pas fort. Pour mettre en contexte un peu les gens, Miraculum, c'est le film qui avait fait tant parler avec l'autre côté, ici, ça arrive sud. Là, on avait déployé un accident d'avion. Exactement. C'est l'événement qui tient tout le monde ensemble. Okay. Donc, et d'ailleurs, une anecdote, c'est qu'ils avaient pensé à le mettre au début du film. Okay. Et ils ont changé d'idée au montage. Okay. Ils l'ont tout mis à la fin. Ces scènes-là. Ouais, les scènes de voir l'avion, ouais. puis tout le monde mort. Puis ouais. Pour pas perdre le goût de ouais. chacune des histoires. Oui, parce que tu commences avec comme la fin, finalement. Exactement. Fait que c'était mieux de le mettre à la fin. Ils l'ont mis à la fin. OK. Fait que... Faut être fait fort. Mais oui, puis il faut que ce soit une soirée où ça tente de te laisser porter par ce film-là. C'est un film où tu te laisses porter, mais c'est dans des zones dramatiques. Mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est facile quand même à écouter, même si c'est lourd? Tu comprends ce que je veux dire? Dans ouais. le sens, c'est assez captivant pour que tu aies le goût d'écouter jusqu'à la fin. Je me suis pas ennuyé, ça okay. c'est clair. Okay. Parce que les scènes sont, comme je te disais, les comédiens puis les prises de vue sont excellentes. OK. De là à dire que j'ai embarqué dans l'histoire, c'est, je pense pas que tant, non. Non, pas tant. Okay. Puis, c'est des sujets qui sont réchauffés, mais il faut que tu les prennes un à un. Ben, puis disons que les le drame développer, humain, on a entendu parler. Ouais, hein. puis, quand t'en prends un, tu le développes, puis t'essayes d'aller plus loin, tu sais. OK, là, il était toujours... Puis prendre un angle particulier. Là, quand tu vois le gars qui est en train de jouer au casino puis qui essaye de se refaire, on l'a vu, cette affaire-là, tu sais. Ouais, je comprends. La seule histoire qui était... qu'on voyait pas souvent, c'était un gars qui... Dolan. Okay, Xavier Dolan, qui oui. joue là-dedans. Puis qui joue un gars qui a la leucémie. Puis, mais il est témoin de Jéhovah et tout le fait qu'il n'a pas le droit de recevoir de traitements médicaux. Là. Ça, c'est un sujet qu'on ne voit pas souvent. Okay. On ne l'a pas développé souvent. Okay. Mais à part ça, c'est un peu... Ça ne valait pas sur grand-chose okay. pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec l'avion. Mais c'est quand même... c'est Pods. Donc, c'est bien tourné. Oui, c'est bien tourné. Bon montage, sûrement. Vous ne regretterez pas d'y être allé, puis vous allez avoir une réflexion quand même qui va germer de tout ça, okay. mais on ne sait pas trop où ce qu'on s'en va avec cette réflexion-là. OK, fait qu'on se fait raconter une histoire qui a un but puis pas de but un peu. Ah, je ne sais pas trop. D'après ce que je visualise, ça. Là. Ça manque. Parce que si tu me dis que, tu sais, dans le fond, l'élément qui relie toutes ces histoires-là, c'est un peu l'accident de l'avion. Ouais, mais encore là. Non. Non. OK. C'est ça qui arrive. C'est ça ah, mais qui au moins, il y a une surprise. Parce que la vraie histoire, je te le dis rapidement, ouais, là, ouais. c'est le gars qui revient d'Amérique du Sud avec. Il a bouffé des capsules de hache. OK. Puis, bon, il les ressort. Puis, c'est pour venir un peu s'excuser pour une erreur qu'il a commise plus jeune avec la fille de son frère. OK. Fait que okay. Ça part de ça. Puis d'ailleurs, c'est celui qui a écrit la pièce, qui est Gabriel Sabourin, okay. Qui est le comédien qui joue le rôle principal. Okay. Puis qui joue très bien, d'ailleurs. Fait que c'est un peu ça. Okay. Si vous avez envie d'aller dans le drame, vous allez être servi. OK, c'est lourd assez quand même. Ouais. OK. Et pour en terminer avec le cinéma, lundi 17 mars, tapis rouge encore, 19h. Entrée gratuite, Kino 3R. On n'oublie pas, c'est quelque chose qui revient tous les mois. Et vous allez voir des films, des courts-métrages de gens d'ici. Fait que c'est intéressant. Ensuite, c'est une anecdote un peu. Parce que je vais te parler des frères Lemay. Oui. Qui sont à la semaine de la francophonie. OK. Du 15 au 23 mars. Donc, je suis dans mes temps. C'est parfait, oui. On parle ici de néo-trad québécois ou... au Qatar. Oh, excellent. Les frères Lemay au Qatar, qui aurait pu... Ça peut sembler une idée saugrenue. C'est génial, tant mieux pour eux. Ben oui, c'est ça. Si les gens qui connaissent pas les frères Lemay, ils viennent de Saint-Boniface, puis ils vont aller jouer à Doha. Oui. À la capitale du Qatar. Wow. Deux sympathiques personnages. Ben en passant, oui. Les frères Lemay sont bien, bien gentils, les Michel, gars. Michel, ouais. Un des frères Lemay, il disait, c'est un ami de longue date qu'il avait pas vu, puis qui se faisait une vingtaine d'années, puis qu'il avait rencontré chez les scouts. Puis qui est rendu au Qatar, puis sa femme est consul du Canada au Qatar. Fait que c'est la semaine de la francophonie. Il voulait avoir quelqu'un, un groupe francophone. Fait qu'il l'a appelé, il l'a lié. Il va se produire. Pratique les plugs. Hein? Ben oui, il va se produire au Chic Théâtre Al Rayan de 900 places. Quand même, c'est génial. C'est assez fantastique. C'est le fun il va pour aller eux à autres, Riyad aussi, à 500 km de Doha, qui est la capitale d'Arabie Saoudite. Fait que pour eux autres, c'est un beau trip. Ouais, bravo à eux. Puis eux autres font de la musique traditionnelle, mais ils ont toujours des influences diverses, dont des sonorités arabes. Fait que j'aimerais bien ça être un petit oiseau, moi, puis les voir les gens dans la salle, voir quelle face ils vont faire. Excellent. tant mieux pour eux, on les félicite. Fait que parlant d'oiseaux, je vais te parler d'Icare. Oh, Icare, je ne sais pas si ce tu connais mythe. Un peu le, mythe, oui, le fameux mythe d'Icare. Il va se rapprocher du soleil. Exactement. En fait, c'est Dédale, le père, et Icare, le fils, qui... Dédale, le père, construit un labyrinthe pour le roi, pour enfermer, en fait, le Minotaure. D'où le mot Dédale. Exactement. Exactement. Et, bon, il y a quelques histoires, mais il se retrouve, le roi n'est pas content, puis il se retrouve enfermé dans son propre labyrinthe. Donc, Dédale décide de s'évader avec son fils par la voie des airs en construisant des ailes, mais qui sont fixées avec de la cire. La cire, ben oui. Puis le fils va trop près du soleil, tombe à la mer, puis meurt. Mm-hmm. Fait que c'est un peu, en gros, le mythe. C'est un peu que l'ambition, des fois, c'est pas tellement si positif, trop d'ambition. Exactement. Donc, ici, on a une version qui est produite par le Théâtre du Nouveau Monde, mais par le duo Lemieux-Pilon. Michel Lemieux et Pilon, c'est deux gars qui font un peu de la magie du virtuel. Ils font beaucoup de projets, l'imagerie 3D, OK, il y a beaucoup de multimédia et tout ça. Là. C'est vraiment... D'ailleurs, il y a des personnages qui sont des hologrammes que les comédiens sur la scène ne voient pas. Okay. C'est juste le public qui les voit. Il faut que le comédien joue avec. Oui, ils parlent aux comédiens. Fait qu'ils ont pris pour les hologrammes des comédiens un peu plus qui viennent du milieu du cinéma. Okay. Pascal Bussière, Maxime Dénommé. Fait que, puis sur la scène, ben, t'as des acteurs qui sont plus... Mais ce duo-là de créateurs, ils ont fait plusieurs productions à Montréal. Absolument. On voit souvent passer des trucs qu'ils ont fait. C'est quelque chose, c'est bien fait. Là, et souvent, sur scène. C'est souvent des choses qui sont live. Interactifs avec les comédiens autant qu'avec la salle. Mais ils servent beaucoup de ces technologies-là nouvelles pour les appliquer. Donc, ils se sont associés avec C'est le Théâtre des Nouveaux Mondes. Nouveau Monde qui est... qui les a demandés parce que c'est le 35e anniversaire, je crois. Donc, ils vont mettre dans un contexte contemporain un peu ce mythe-là. Qui, en fait, c'est le père qui devient un grand architecte puis son fils revient, puis il est à un tournant de sa vie, puis il remet en question ses ambitions, ses choix, tout ça. OK, ils ont modernisé exactement, le mythe, mais lui, il préfère, Dédale, se réfugier dans sa tête et dans ses images, pour, donc dans le labyrinthe. Et c'est là qu'on voit apparaître les images de qui sont de 3D, dans sa tête. Exactement. D'infographie, etc. Qui viennent lui parler. Excellent. Fait que j'ai le plaisir et le bonheur d'y aller. Génial. Fait que si j'ai le plaisir de voir les gens qui sont à l'écoute, mm-hmm. c'est le 18 mars à 20h, c'est à la salle J. Antonio Thompson. Ben, génial. Donc ici, j'ai un petit spectacle de danse. Okay. Je dis petit, mais c'est un parce que c'est un spectacle solo. Toujours difficile, 60 minutes sans entraque, un spectacle solo, là, faut être en grosse forme. Oui. C'est Anne Plamondon qui fait un spectacle solo sur le thème de la maladie mentale. Puis elle s'est mise en collaboration avec une actrice, auteure, metteur en scène, Marie Brassard, qui okay. a souvent travaillé avec Robert Lepage. Elle livre une genre de performance danse-théâtre. J'aime bien l'optique de rajouter à la danse cette vision-là du théâtre qui permet des fois des... De mieux comprendre peut-être ouais, le peut-être concept des, ou un l'idée. Un réalisme qui est plus présent que juste dans l'onirique de la danse. Oui, c'est ça, parce que souvent des spectacles de danse vont avoir des gros concepts, mais de là à le comprendre puis de le saisir comme il faut en bon français. Exactement. C'est pas nécessairement facile avec le côté peut-être théâtre, tu vas peut-être être un peu plus amené avec du lyrique, avec de la voix, avec du texte. Je ne crois pas qu'elle parle. Il n'y a pas de texte. Non, okay. je crois qu'elle fait de la okay. danse. Mais elle joue. Elle joue. Elle, okay. Des danseurs interprétés plus... Oui. De façon plus de à la comédienne. Oh oui, oui. Ça doit être... Les mouvements sont splendides, évidemment. Mmh. Oh oui. Et donc, elle va être tentée d'exprimer la souffrance puis la vulnérabilité engendrée par les états des troubles mentaux. OK. Donc, ça peut être j'ai assez vu spécial, certains extraits. Là, c'est... Ça, c'est de la danse contemporaine? Oui, ça... Oh, ça... il y a un genre de délire aussi là-dedans. On peut imaginer certains gestes là, absolument. Qui sont puis assez c'est inspiré... spectaculaires. Puis ça doit être très senti parce que c'est inspiré de la schizophrénie de son père. OK. Fait que ça lui permet de porter... Elle a vécu quand même oui, avec ça un peu. De porter un regard qui est souvent bien mince, en fait, sur ce qui sépare la démence de la normalité, là. Fait que... Ouais, tout à fait. Donc, c'est à voir 60 minutes sans entraque. C'est à la salle Anaïs Salard-Rousseau le 20 mars 2014, évidemment. Donc, petite nouvelle, puis pour la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières, ils vont aller improviser à Borealis. Oh! Au musée. Musée Borealis. Exactement, un match amical. Puis... ils disent que ça va être un endroit spécial et inusité. Je crois et je pense que ne pas me tromper que ça devrait être dans les voûtes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les voûtes. J'en ai déjà parlé, mais c'est un lieu assez... spécial. Ah, ouais, spectaculaire dans l'esprit, mais très introspectif. On est dans des caves. C'est ouais, ça. C'est ça. Et qui date aussi du début du siècle. Genre, la brique parle, le c'est temps des parle. Arches, en plus, ouais, on se croirait en Europe dans des catacombes ou absolument. Presque. Absolument. Fait que de l'impro, là, c'est une belle idée. Oui. Puis si vous avez jamais vu les voûtes, c'est le temps d'y aller, puis c'est gratuit. Ça, c'est un très beau point que tu amènes parce que quand même, Borealis, moi, je trouve que c'est vraiment cher pour quelqu'un de Trois-Rivières qui va me visiter ça pour le fun. Je trouve que c'est... Personnellement, j'ai toujours trouvé que la critique que j'ai, c'est que oui, c'est un endroit qui est intéressant, mais les gens de Trois-Rivières devraient pouvoir aller là gratuitement. Personnellement, en tout temps, là. Je te parle pas quand tu es en dehors de la ville, mais c'est notre histoire. Parce que la plupart des choses qu'on apprend là, si tu viens de Trois-Rivières, tu le sais à peu près déjà. Tandis que ce qui est intéressant, c'est de montrer ça, justement, tu arrives avec ta famille qui vient d'ailleurs, avec les beaux-parents, avec de... là, tu arrives puis tu les amènes. Ça, mais sinon, c'est des occasions comme ça, ça arrive à quelques reprises ouais, que Borealis ben, ouvre ses portes. A compris ça, je pense. Je pense qu'elle n'a pas le choix. De plus en plus, le ouais. comprend. Je sais pas, c'était le dernier événement que j'avais parlé, c'était lors du festival d'hiver. Les Nuits polaires. Les Nuits polaires. Oui, il y avait c'était encore ouvert. Il s'en allait là-bas, il faisait un bar de glace à l'extérieur, mais c'était ouvert. Tu c'est sais. Ça. Ben, une chance, parce que sinon, ça n'aurait pas pu toffer comme ça, je trouve, de jamais ouvrir les portes. Là, non, c'est ça. Puis puis avec le chemin pour y aller. Avec le chemin pour y aller. C'est quand même pas l'endroit le plus fun à aller prendre une marche. Là, non, pour tout de suite se rendre là. On est dans les constructions pas mal. Oui, puis ils vendent. C'était un terrain vacant. Là, à longueur, de, à, en tout cas, à perte de vue. Au Café-Galerie L'Embuscade. Oui. Fred Jourdain. OK. Ouais, c'est un artiste en art visuel. Il est principalement reconnu pour ses romans graphiques et ses illustrations originales. C'est beaucoup d'encre. Il travaille beaucoup avec les encres. C'est particulier parce que moi, j'ai vu une de ses bandes dessinées. Il en a fait une, en fait. Pas une des. Il en a fait une parce qu'il est assez jeune. Il doit avoir 30 ans à peu près. Bande dessinée disponible, d'ailleurs, à la bibliothèque. Mm-hmm. Qui s'appelle Le Dragon Bleu, puis ça a été fait sur, justement, des textes de Robert Lepage et Marie Michaud. Donc, une belle collaboration déjà pour lui. Chanceux. Oui, mais c'est un beau talent. Mmh. J'ai vu les choses, je suis allé voir son site. C'est vraiment du beau dessin. Je ne sais pas exactement ce qu'il présente à l'embuscade. C'est du 6 au 30 mars. Donc, okay. Ça devrait être là présentement. Curieusement, mais ça se fait de plus en plus. Le vernissage est le 29 mars. J'avoue que c'est plus bizarre, mais ça se fait de plus en plus. C'est parce que c'est pas nécessairement au début, parce que je crois que les gens qui exposent, bien souvent, ils veulent vendre. Hein? Mm-hmm. Et ça permet aux gens d'aller voir des choses. Au lieu de se retrouver dans un vernissage en début de place, puis là, oui, je viens de le voir, là, ton affaire, mais j'ai pas eu le temps d'y goûter. Fait que là, ils laissent le temps aux gens d'y goûter, puis là, ils arrivent au vernissage, puis là, ils rencontrent l'artiste. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des ventes qui se font. Là. Peut-être plus, ou aussi le fait de tout le temps... tu sais, quand tu vas d'un vernissage en partant, puis tout de suite, oups, t'arrives, puis mettons des artistes qui marchent, tout de suite, vendu, ouais, c'est aussi. Ordinaire aussi, ça. Oui, aussi. C'est de laisser l'expo vivre un peu, là. Exactement. Puis ensuite, on jasera. Je pense que tu peux toujours en acheter pareil. Je pense pas que l'artiste va se priver. Non. Bon, tombons en musique un petit peu. Oui. Donc, un spectacle de trois musiciens, trois guitaristes, Matt Anderson, Steve Hill, Kim Churchill. Du talent. Oui, on a trois guitaristes. Il y a un qui est un jeune prodige, semble-t-il, australien, Kim okay. Churchill, qui n'a jamais rencontré Steve Hill. Il n'a entendu parler. Ils vont triper ensemble. Ils vont jaser, ça, c'est sûr. Je crois bien. Puis Matt Anderson, lui, c'est un bluesman okay. très connu. Parce que Steve a déjà été le jeune prodige de la guitare. Ah, absolument. Fait qu'ils vont pouvoir se jaser, là. Mais là, ils vont pouvoir se jaser parce que du 12 au 30 mars, okay. on parle ici de 18 jours, mm-hmm. ils font 16 villes. Wow! C'est parfait, ça. C'est une grosse tournée, ça. Donc, si vous aimez la guitare, si vous aimez la corde. Oui, puis le blues aussi, ouais, probablement. Oui, c'est sûr, à tendance de blues. Donc, le spectacle, de ce que j'en ai lu, devrait se passer. Ils vont faire chacun leur petite partie solo en première partie, mm-hmm. puis ils vont jammer ensemble. Je suppose que plus ça va aller dans la tournée, meilleure va être la deuxième partie. Supposé, sûrement. Mais quoi que ces musiciens-là sont d'habitude sont tellement forts que la première, tu sais, le premier jet, là, c'est comme tout le temps extraordinaire. Absolument. Les premières fois que des artistes comme ça se rencontrent. Surtout les artistes de blues, quand ouais. on ne veut pas diminuer le blues, parce qu'il y a, un esprit, il y a une dynamique, mais reste que techniquement, il y a une chimie qui peut se faire plus rapidement. Facilement, oui, très rapidement. Parce que les notes, les bases sont données et puis tu sais où tu t'en vas. Là, tu t'en vas pas dans de l'expérimental complètement. Même si tu expérimentes puis que tu fais du jam, ça va être dans des bases blues. Ouais, les cadres sont bien établis. Exactement, les cadres sont bien établis. Fait que j'ai retenu quatre dates dans leur tournée. Le 14 mars à la Baie du Fèvre, okay. Théâtre Bellecour. Le 19 mars à Trois-Rivières, Maison de la Culture. Oui. 21 mars à Victoriaville, pavillon Arthabaska. Et le 26 mars à La Tuque, au complexe culturel Félix Leclerc. C'est bien pour les gens de La Tuque, ça, de les envoyer un peu de culture. Exactement. Mais non, mais c'est vrai, ah oui. ils sont souvent oubliés dans ce coin-là. Malgré que... De plus en plus, ça revient. Au complexe Félix Leclerc, il y a vraiment... Il y a une vie. On n'entend pas parler de la programmation, mais il y a une vie qui se passe. Oui, il y a une vie qui se passe, c'est bien. Mais tant mieux, oui, tant mieux. Absolument. En plus, je veux juste rajouter, Steve Hill sort un nouvel album, là. Oui, son deuxième petit disque. Solo recording numéro 2, je pense, oui. Ouais, c'est ça. au cégep de Trois-Rivières, au théâtre du cégep, Bears of Legend. Oui. Qui revient après une vingtaine de spectacles autres, à guichet bien, fermé. Hein? Ça va bien, les 20 affaires. 20 spectacles à guichet fermé au Québec, là, c'est quelque chose. Oui, oui, oui. Il tourne, puis je veux dire, il joue pas pour 200$. Là. Non, mais tu sais, ouais. Les gars. Ben, ils sont beaucoup aussi. Ben, c'est pour ça, mais je le dis de façon tant mieux. Ouais, je suis content pour eux autres. Musiciens, faut que ça se paye. Ça déplace du monde, ça déplace de l'air. Exactement. Pis, c'est parfait comme ça. Je connais la mère d'une des filles. Ouais. Là, pis, ça va bien. Je commence à avoir une structure alentour. Pis, oui, oui, oui. Moi, je connais bien Francis, le drummer, finalement, ouais. Hein, qui a fait plein, 1 million de choses à travailler. Ils travaillent tous. Hein, tout le monde espère, je suppose, d'en faire que ça. Bah, ça, c'est le rêve de tous, tout artiste. Pour ceux qui ne connaissent pas Bears of Legend encore, c'est de l'accordéon, violoncelle, piano, mandoline, percussion amérindienne. C'est un folk. Avec certaines prouesses vocales quand même, on peut le dire. Ben, c'est vraiment dans la mouvance des bands qu'il y a en ce moment, là, Of Monster and Men, Mumford & Son, puis toutes des bands qui nous viennent souvent du nord de l'Europe. Là, ouais. Ben, ils ont fait la même chose ici, les mêmes ingrédients. Ça sonne un peu irlandais à certains moments donnés. Oui, c'est ça, exactement. Mais puis nord de l'Europe, tu sais, c'est ça, irlandais, c'est le nord de l'Europe aussi. Fait que parlant d'irlandais... Quoi oui. De mieux comme lien? Yann Kelly. Okay. Yann Kelly, qui est né d'une mère irlandaise. D'ailleurs, Kelly, c'est pas son nom de famille parce que son père est francophone. Okay. Mais Kelly, c'est le nom de sa mère. C'est son nom-nom ou son nom de famille? Son nom de famille, okay, Kelly. Oui. Yann Kelly. Fait qu'il a pris le nom de sa mère pour faire sa musique. Son nom. Oui. Donc, il présente un nouveau spectacle de chansons folk, évidemment. C'est un quatrième album. Quand même, son plus récent All These Lines, qui a été certifié disque d'or. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a... De nos jours, être certifié disque d'or, les amis... c'est quelque chose. Non, c'est plus que quelque chose. Non, mais pour vrai, ah ouais. J'entendais des trucs, l'autre fois, je ne sais pas si je te le disais, je pense le dernier album de Michel Rivard, qui est quand même pas un des... Un des derniers venus. Mais en vinyle, il l'a sorti aussi. Je pense qu'il a même pas vendu 100 albums. Es-tu sérieux? Oui. T'sais, oui, en CD, sur iTunes, ça a vendu un peu. Mais vendre des albums, vendre des CD de nos jours, vous êtes chanceux quand vous en vendez. Ouais. Je vous le dis. Non, mais quand même. Ouais. C'est tellement facile de tout avoir gratuitement aujourd'hui. C'est intéressant, mais triste en même temps. Dans un sens, on paye beaucoup. Pour avoir gratuitement. Oui, oui, oui. C'est là que l'argent est rendu dans les. On pourrait. Distribution est différente. Oui, tout à fait. Et au lieu de le payer en disque, on le paye en. Fournisseur Internet. Exactement. Ça nous coûte des 50, 60, 100 piastres par mois pour avoir Internet. Si on le mettait en achat d'album, puis en disque, puis en billet de sortie pour un film. Ben, Pelado serait moins riche. Exactement. Ça, c'est clair. Mais alors, on ne fera pas de politique. Ah non, on ne parlera pas de politique. mais tout à fait, c'est ça. Si notre 50 à 100 piastres qu'on met pour notre connexion Internet s'en allait vers des sorties culturelles, que ce soit en musique, en théâtre, en cinéma même, ben c'est sûr que le paysage serait différent, mais il faut vivre dans l'époque qu'on est. On absolument. Est là. Fait que pour ceux qui ne le connaissent pas trop, Yann Kelly, il a grandi à NDJ à Montréal. Oui. Un gars de Montréal. Quartier NDJ. Exactement. Notre-Dame-de-Grâce, vous aimez mieux. Puis, il a toujours... Lui, il a toute sa vie, il a parlé français. Il a vécu en français à cause de son père et tout ça. Mais il s'est mis à écrire et chanter en anglais. Puis, de ce que j'ai lu, c'est que c'est juste parce que... Simplement parce que ça sort comme ça. C'est plus facile. Pour lui, ça sort mieux. Puis, il rajoutait que ceux qui le connaissent, un temps soit peu... que c'est par choix et non par carriérisme. Okay. C'est pas choisi l'anglais parce que pour faire une carrière ailleurs. Oui, oui, oui. C'était plus facile pour lui, mais beaucoup de jeunes disent ça de nos jours. Regarde, yeah, Bears of Legend, ouais, bon exemple. Exact. C'est un ben de Trois-Rivières qui chante partout en anglais. Ouais. Fait que c'est le fun, mais c'est un peu triste en même temps. Moi, personnellement, je trouve ça un peu triste. Moi aussi. T'sais, c'est parfait pour eux, puis je leur dirais pas de chanter en français, c'est pas ça que je dis. Mais c'est triste. Il y en a des bands en anglais, là. Il y en a un puis un autre. T'sais. Ouais. Puis juste, il y avait une anecdote. Lui, sa carrière, comment ça a commencé? Bien, c'est sûr qu'il avait fait un travail avant ça, là, mais il travaillait au Théâtre Saint-Denis sur l'équipe technique. Puis il travaillait pour le spectacle d'Alanis Morissette. Oui. Puis il manquait un artiste pour faire la première partie. Puis il a levé sa main, il a été volontaire. Puis il a dit, la réflexion qui s'est faite, il dit, si j'arrive à tenir une salle de 2500 personnes, il y a peut-être une place pour moi dans le métier. C'est sûr. C'est un très bonne shot, ça. C'est très, très hot. Bon, on termine tout ça avec le Zénob ici, qui est nouvellement un de nos commanditaires, d'ailleurs. Oui, oui, oui, on est partenaires ensemble, c'est bien le Zénob et nous. Le duo Camaro. Oui. 15 mars au Zénob. Avec la chose. Exactement. C'est exactement fait, avec la j'ai chose. J'ai fait ma pub, tu sais. All right. Ben, duo Camaro, c'est pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est Alexandre Dossi, Pierre Brouillette, Amelin à la guitare. Qui était venu nous rendre visite. Exactement. Ici. Exactement. Alexandre Dossi aux voix, qui font un genre d'improvisation. Ils comptent des histoires, puis habituellement, trash, c'est assez trash. Trash expérimental, c'était pas mal ça. Puis pour décrire la chose qui va être avec eux autres, c'est ils disent dans leur biographie, le collectif donne dans une sorte de cacophonie calculée un rock francophone parfois pesant, parfois dansant, souvent apocalyptique, mais jamais redondant. Oui, avec les gencives en sang aussi, j'ai lu ça quelque part. Okay. Ils aiment ça quand c'est trash. Toujours au Zénob, dimanche, il y a le défi théâtral Domino. Dont je t'avais déjà parlé. Ça, c'est super intéressant. Je ne suis pas allé, mais c'est le temps de venir pour la première fois. Comédien, metteur en scène, auteur. Il se retrouve dans un 5 à 7 le vendredi. OK, c'est ce que je m'en allais demander. Si on veut participer un jour, il faut que tu te vois avec les gars le vendredi. Ouais, c'est ça. Oui, ou tu peux appeler la responsable, c'est Stéphanie Ribérix. Ah, OK, je ne connais pas Stéphanie. Bon, pas grave de toute non, façon. Non, mais c'est vraiment intéressant. Absolument. Mais c'est parce que oui, je te dis ça parce que j'ai de la misère. Moi j'étais un gars assez actif, disons, et puis j'ai de la misère à aller voir un spectacle. Moi, j'aime ça participer à un spectacle, juste voir des spectacles. Moi, j'aime ça être derrière. Fait que c'est pour ça que je te dis ça. Moi, je voudrais voir le... Mais t'as le choix. Comédien, metteur en scène, auteur. Moi, je serais plus... parce qu'ils font des petits films avec ça? Non. C'est du théâtre live. Exactement. Et donc, il se retrouve le vendredi, il y a des consignes, il y a des barèmes à ça. L'auteur part avec ça, il écrit ça dans la nuit, donne ça au metteur en scène. C'est ça, oui, c'est vrai. Là, les comédiens apprennent leur texte, ils se rajoutent tout ça, puis le dimanche, je suis présent. Exactement, c'est ça. Fait que ça, c'est un concept, en fait, qui a été créé par une régisseur de plateau. Ça s'appelait aux États-Unis, The 24 Hours Place. Puis ça s'est développé dans les villes comme New York, Londres, Bonn, Los Angeles, Chicago. Mais, vas-y, excuse. Non, c'est bien. Mais moi, c'est que ça me rappelle vraiment, tu sais, le mouvement Kino, justement. Exactement. Où nous, on fait des films, des fois, en 24 heures ou 48 heures dans les cabarets. C'est exactement la même chose. On a une réunion de production à 9 heures le matin. Puis 48 heures ou 24 heures plus tard, il faut qu'on produise. On présente à l'image, à l'écran. C'est la même chose. C'est une belle pression. Il n'y a rien de mieux. Et qu'est-ce qu'il y a de pareil comme Kino? Gratuit. L'entrée est libre. Exactement. Avec la participation volontaire. Ben c'est ça, hein, c'est des passionnés. Exactement. C'est des passionnés, c'est le seul terme à employer. Bon, deux petites dernières vite. Guy Bélanger, magasin Général Lebrun, ça oui. C'est un top, un virtuose de l'harmonica, originaire de Québec. Okay. Il a travaillé avec les Colocs, Bob Wash, il a fait la trame musicale de Gasbar Blues, il a travaillé avec le Cirque du Soleil. J'adore l'harmonica, moi, personnellement, j'aime si ça. Si ça vous tente, 22 mars prochain, au Moulin Michel de Gentilly, oui. Un événement jazz. Okay. C'est mon petit, un de mes petits dadas, fait que j'en parfait, parle. Ça. Plusieurs musiciens qui étaient à Beau et Chaud avant. Je ne sais pas si tu te souviens de Beau et Chaud, qui était un peu le bel ébum de l'époque. Ouais, sauf que c'était plus en studio, c'était plus des musiciens de studio, puis eh bien, ils se retrouvent au Moulin. C'était très bon, ça. La musique était excellente. Beau et Chaud, c'était très, très souvent, hot. C'était Michel Cusson était là. Ouais, puis, c'est Ron DiLauro, pour ceux qui le connaissent, à la trompette. Parce que c'est important, parce que l'événement qu'ils vont faire, c'est dans ce sens-là. Jean-Pierre Zanella au saxophone. Puis il va avoir Michel Donato à contrebasse. Oh, quand même. Ils reprennent le grand chef-d'œuvre de Miles Davis, Kind of Blue, en entier. OK. l'album jazz le plus vendu sur la planète. Fait que... Et Miles Davis, c'est Miles Davis. Exactement. Et un petit rappel en finissant, mais je vais en reparler à notre prochaine rencontre, le Salon du livre de Trois-Rivières, oui. Qui va commencer du 27 au 30 mars. Parfait. Et c'est la 26e édition, il va y avoir 362 auteurs qui vont passer. Génial, parfait, ça. C'est bon pour la culture à Trois-Rivières. Et voilà, mon Daniel. Mon Dany. Ben, c'est parce que je buvais ma dernière gorgée. Je peux t'appeler Daniel. Il m'en reste une goutte. Et voilà. Sur ça, eh bien, Michel, on va aller écouter, tiens, du Ian Kelly, pour ceux qui se rappellent pas comment ça sonne. Nice. On va aller écouter pièce Take Me Home. Et puis, je te remercie encore, Michel. Ça a été très agréable, Daniel. Vraiment très agréable. Une bonne bière, de la bonne compagnie, quoi de mieux. Alors, je vous invite à rester là. Michel, on se reparle dans une semaine ou deux. Deux semaines. Parfait. À bientôt. À vous. Et bien, écoutez, Ian Kelly. There's a part of me that's made entirely of generosity. Can I be a better man? Can I go to war and make them understand? What's the use in generosity if I just keep it all for me? Can I talk sense into them, even though I have a weapon in my hand? Can you take me home for a little while? Can you bring a smile? Can you take me home? I wasn't that. Say no, my country is as mad as the neighbors. We are killing for our wealth, but we just care about our economic health. It's sad to say, but you and me, we are no better than our enemies. Follow the instructions that are leading to destruction, so you see. D'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cestfou.ca.